Il fait frais ce matin, mais il va faire plus doux cet après-midi, avec du soleil bien sûr qui nous revient. On a des voiles nuageux déjà sur l'ouest du pays, le ciel deviendra un petit peu laiteux, et progressivement, eh bien, ce temps calme et sec nous amènera des températures de 17 à 22 degrés. Même température pour demain, avec un ciel cette fois plus nuageux. On a en fait quelques gouttes possibles demain, mais pas grand-chose. Le week-end, lui, sera déjà plus agréable, notamment samedi, avec de larges éclaircies et de 19 à 22 degrés. Viva 9h. Journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'était donc il y a 6 mois, la terreur envahissait Bruxelles. La capitale frappait en plein cœur, 2 explosions à l'aéroport de Bruxelles, 1 un peu plus tard dans le métro. 6 mois après, les souvenirs sont intacts, mais pour la grande majorité des usagers du métro, comme Mathieu, la vie continue. On y pense toujours un tout petit peu, enfin, c'est simplement même en regardant le nom de chaque arrêt sur la ligne, on voit Malbec, certains internationaux nous demandent, tiens, comment est-ce que je peux passer par là? Ben, on leur dit, ben, vous pouvez passer par exemple par la station Malbec. À chaque fois qu'on entend le nom, à chaque fois qu'on le dit, c'est vrai qu'on peut s'en rappeler aisément, quoi. Mais 6 mois plus tard, il n'y a plus d'appréhension particulière à venir ici? Ben, il n'y a pas d'appréhension particulière, non, à prendre le métro. Enfin, je veux dire, ça arrivait. J'espère que ça n'arrivera plus, mais voilà, la vie continue, comme je le disais, quoi. Réaction recueillie ce matin à la station de métro Malbec à Bruxelles par Pierre Vandenbulg. Des souvenirs intacts et des blessures toujours ouvertes. Ces attentats ont fait 32 morts, 350 blessés. Aujourd'hui, de nombreux rescapés n'ont toujours pas été indemnisés complètement. Ils doivent avancer de leur poche pour payer leurs frais médicaux, leurs séances chez le psychologue ou leur revalidation. Mais une chose est sûre à présent, ils seront indemnisés à 100%. Jusqu'ici, seuls les dommages physiques l'étaient. Wauthier Robbins, le porte-parole d'assurance. Bien avant les vacances d'été, on avait gardé en suspens l'indemnisation du préjudice moral et on avait décidé de permettre aux assureurs de libérer la moitié des montants qui correspondent à des dommages à des biens. Et c'est là qu'il y a eu du changement et on a décidé de passer à 100%, non seulement pour les lésions corporelles comme c'était déjà le cas, mais aussi pour le préjudice moral et pour les dommages aux biens. Pour le dommage moral, ça correspond donc à la perte d'un être cher, par exemple. Donc là, on est en dehors de toute considération économique. Cela veut dire que par exemple, les proches d'une victime pourront faire valoir le dommage que leur a causé la disparition d'une personne proche, en dehors de tout préjudice matériel, de tout préjudice financier. On est là vraiment dans le moral. Le porte-parole d'Assuralia, l'Union professionnelle des assurances, joint par Yasmina Favaro. L'enquête, elle se poursuit. 8 personnes sont actuellement en prison. 2 sont directement liées aux attaques du 22 mars dernier. Mohamed Abrini, l'homme au chapeau de l'aéroport, et Osama Krayem, qui a renoncé à se faire exploser dans le métro. Les 6 autres personnes sont soupçonnées d'avoir apporté une aide logistique. De gros soucis de circulation en ce moment à Bruxelles. Sur les routes, le tunnel Léopold 2 est fermé dans les 2 sens à cause d'un problème de ventilation et des problèmes aussi dans le trafic des trams. Les lignes 7 et 25 sont interrompues depuis 7 heures ce matin. Un câble a lâché, des navettes de bus sont mises en place et les réparations devraient encore durer une bonne heure. Local nazi, voilà ce qu'on peut lire sur le local d'un parti européen à Bruxelles. Oui, le bâtiment abriterait des groupes ou mouvements fascistes ou néo-nazis ici de plusieurs pays d'Europe. Véronique Fievet a voulu savoir qui se cachait derrière cette façade. Derrière cette façade du quartier européen, on trouve la discrète Alliance pour la paix et la liberté. Un nom rassurant, mais qui regroupe en réalité plusieurs partis ultranationalistes. Manuel Abramovitz, animateur du site Résistance et spécialiste de l'extrême droite. Des partis clairement d'extrême droite, mais de sa tendance la plus radicale. Je pense au parti NPD allemand, qui est un parti considéré par les spécialistes de l'extrême droite allemande comme un parti néo-nazi, et le parti Aube Dorée, le parti grec qui se revendique filiation hitlérienne. Dans cette alliance pour la paix et la liberté, on trouve aussi le groupuscule belge Nation. Leur dirigeant est un vieux de la vieille. C'est quelqu'un qui a passé de la mouvance néo-nazi, mais un des piliers du négationnisme militant. Il a été condamné au début des années 90 suite à une action commando contre un stand antiraciste. Dans les locaux tout neufs de l'APL, nous rencontrons Hervé Van Lathem, le chef du groupe Nation. Lui, en tout cas, a manifestement du mal à tourner la page des années noires. Moi, j'ai mon passé, je l'assume. Et vous avez renié votre passé aujourd'hui? J'ai appris, j'ai évolué. Je vais pas dire oh, pardon. Dans ses statuts, l'APL plaide pour une Europe des nations qui défendrait des valeurs chrétiennes, un objectif irréprochable qui lui a d'ailleurs permis de percevoir cette année 600 000 euros de subsides du Parlement européen. Si le procès de Bernard Westphal devant les assises du Hainaut ne prend pas trop de retard, on devrait assister aujourd'hui à une bataille d'experts. D'un côté, les légistes, de l'autre, les experts mandatés par la défense. Les deux camps n'ont pas le même avis sur les circonstances de la mort de Véronique Pirotton. Avant cela, le juge abordera la chronologie des faits et les fameux trois quarts d'heure durant lesquels Bernard Westphal dit s'être endormi. Nouveau conseil d'entreprise aujourd'hui chez Caterpillar, le deuxième depuis le début de la procédure de licenciement collectif. Cette fois, des représentants de la direction américaine seront présents pour répondre aux questions des syndicats. 20 jeunes Wallons se préparent à faire leur service citoyen. Oui, pendant 6 mois, ils vont donner un peu de leur temps pour aider des personnes handicapées, donner un coup de main dans un club de sport par exemple, bref, se rendre utile. Une vingtaine de jeunes sont actuellement en formation à Villers-la-Ville. Ils commenceront leur service citoyen lundi. Thierry Van Gulik les a rencontrés. Tout de bleu vêtu, les 20 premiers volontaires wallons désherbent les allées au pied du mur de l'abbaye de Villers-la-Ville. C'est dans ce cadre magnifique que ces jeunes de 18 à 25 ans découvrent ce que sera leur service. Nathalie Van Innis, coordinatrice de l'ASBL, plateforme service citoyen. Pendant 6 mois, le jeune va se mettre au service de la société, soit dans le secteur de l'environnement, dans le secteur de l'aide aux personnes, dans le secteur de l'éducation ou de la culture, ou encore dans le secteur de l'intégration par le sport. Et profiter aussi de cette période pour réfléchir à son avenir sur le plan personnel ou professionnel. Comme Juliette, qui a fait ses études au Conservatoire de Liège. J'ai décidé de vouloir faire un premier pas dans le monde du travail. C'est pour ça que j'ai trouvé le service citoyen. Et voilà, et pour l'instant, je vais faire ma mission au Théâtre de Liège, parce que je suis très attirée par le monde du spectacle. Harold, 19 ans, lui, ne sait pas encore très bien ce qu'il veut faire de sa vie. Je voulais pas me lancer directement dans des études, et donc je voulais trouver une activité à faire pour m'occuper occuper mes journées. En tout cas, ici, c'est, je pense, un beau geste à faire pour notre société. C'est évoluer et apprendre à travailler aussi. Ces jeunes participent à une expérience qui n'a encore aucune reconnaissance légale. Jusqu'ici, 11 projets de loi sur un service citoyen ont été déposés sans succès. L'exemple concret de ces jeunes pourra-t-il faire enfin bouger les choses ? Et puis un mot de football avec le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de Belgique qui offre une très belle affiche. Oui, un duel entre les Sporting de Charleroi et d'Anderlecht. Les Mauves qui se sont facilement qualifiés hier soir en battant Louvain 1-0. Charleroi a lui écarté Bocholt 5-0. Des 8e de finale qui se joueront sans le Standard puisque les Liégeois ont été battus 2-1 par la modeste équipe de Gael. Et puis à l'étranger, Vincent Kompany a rejoué hier pour la première fois depuis plus de 4 mois. Mais le capitaine de Manchester City a tenu pendant 90 minutes avant de sortir du terrain, grimaçant. Son entraîneur craint une rechute ou une nouvelle blessure. On devrait en savoir plus dans le courant de la matinée après des tests médicaux. RTBF, Mobile Info, Jean-Marc Strel et le tunnel Léopold II qui vient de rouvrir à Bruxelles. Oui, effectivement, c'est confirmé, il y a eu un petit problème technique, mais voilà, c'est du passé maintenant. Par contre, vous êtes quasi à l'arrêt à Bruxelles, dans le bois de la Cambre, en direction du centre, pas d'explication, mais en tout cas, ça coince. D'autre part, un accident s'est produit dans l'échangeur de Timéon, le passage est difficile, c'est dans la bretelle qui relie l'A54 si vous venez de Nivelles à l'E42 en direction de Liège. Vous êtes quasi à l'arrêt aussi sur l'E42 Liège-Namur, entre Héron et Ingeon en direction de Namur, il n'y a pas d'accident, c'est simplement la chaussée qui est rétrécie sur deux voies, on passe de 3 à 2, donc il y a du monde, ça coince. Dans le chantier aussi de l'A602, Lons-Saint-Chenier, c'est pas un chantier, il y a du monde, tout simplement entre Ognoul et Saint-Nicolas, vous perdez actuellement 40 minutes uniquement en direction de Chenier. Par contre, il y a le chantier sur le 40, Aix-la-Chapelle, Bruxelles, Acherat, où là, ça coince vers Bruxelles, entre Bleny et Herstal, sur 6 km. Pour rejoindre Bruxelles, pas mal de monde aussi, sur le 40 entre Berthem et Oulué-Saint-Étienne. C'est un peu plus loin, le 411 venant de Namur entre Overijs et Léonard, le 19 venant d'Anvers à Zemst, le 40 venant d'Ostende entre Bernem et Nevelleux, et puis des temps de parcours sur le ring. Circulation extérieure au titre Carrefour Léonard, ajoutez 34 minutes à votre temps de parcours, on passe à 46, et pour le ring intérieur du monde aussi, Grand Bigard Zaventem, ajoutez 19 minutes. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. semaine-mob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une, en télé, le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Ah, l'équipe est plus prête que jamais. Vous aussi? Alors commentons. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfelle. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233-466, deux policiers belges ont été arrêtés en France parce qu'ils déposaient à la frontière côté français des migrants arrêtés le matin même en Belgique. Est-ce que c'est la bonne méthode? Mardi, une quinzaine de migrants descendus d'un camion marchent sur le bord de la route à Ypres. Quatre Irakiens, une dizaine d'Afghans, dont des mineurs. Ils pensaient avoir embarqué dans un camion vers l'Angleterre, mais non. Ils sont arrêtés par la police d'Ypres, on prend leur empreinte, et là, le chef décide de les reconduire vers la France. Deux policiers doivent s'en charger. En combi, ils font un premier trajet. Au deuxième trajet, des policiers français dans une voiture banalisée les arrêtent pour traite des êtres humains. Les voilà donc au poste en France, interrogé de 22h à 3h30, puis relâché. La justification du commissaire Georges Haig de la zone de police d'Ypres. On les a reconduits parce que donc on ne voulait pas les laisser ici directement sur la route et de les laisser à pied aller à la frontière. Donc on les a reconduits un petit peu à la frontière dans la direction où ils voulaient aller. Donc c'était pour les aider, pour ne pas les laisser aller à pied jusqu'à la frontière. Question donc pour vous. Deux policiers belges ont été arrêtés en France parce qu'ils déposaient à la frontière côté français des migrants arrêtés le matin même à Ypres en Belgique. Est-ce que c'est la bonne méthode? Contrairement à ce que voulait l'AFSCA, la tartorie de Verviers peut rester 12 heures à l'air libre à 20 degrés. Question, le ministre Willy Borsu a-t-il humilié l'AFSCA en lançant et des analyses et en créant une cellule petit producteur dans l'agence? C'était donc la polémique du mois de juin. L'AFSCA voulait que les produits préparés à base de lait ou de crème soient conservés au maximum à 7 degrés. Or, la fameuse tartorie de Verviers gagne son onctuosité en étant conservée à l'air libre. La bataille fut rude. Willy Borsu, le ministre qui a la tutelle sur l'AFSCA, a donc commandé une analyse scientifique dont il a hier fièrement présenté les résultats lors d'une conférence de presse dans une boulangerie. Le terroir et les petits producteurs sont doublement gagnants puisque le ministre a également permis la création d'une cellule petit producteur au sein de l'agence. Son rôle sera d'apporter une réponse spécifique aux petits producteurs. C'est la question pour vous. Contrairement à ce que voulait l'AFSCA, la tartorie de Verviers peut rester 12 heures à l'air libre à 20 degrés. Le ministre Willy Borsu a-t-il humilié l'AFSCA? Et puis au 070-233-466, un député wallon veut mettre en place une attestation qui prouve que l'élève du professionnel ou du technique a un bon comportement. Est-ce que les employeurs ont besoin de ça? L'attestation prouvera donc que l'élève arrive à l'heure, prouvera qu'il est ordonné avec son matériel. C'est une idée du député wallon et maire Laurent Anquet, ancien directeur d'école. Son idée est inspirée par la Flandre, où on trouve pour les flamands du technique et du professionnel une soda atteste qui valide la ponctualité, l'ordre, la discipline et les aptitudes. Le député wallon a un peu adapté l'appellation qui sera donc en Wallonie ADOP. A pour attitude, D pour discipline, O pour ordre et P pour ponctualité. L'objectif, je cite, est de faire acquérir aux jeunes certains codes comportementaux qui leur seront essentiels dans le parcours professionnel. C'est la question pour vous ce matin. Un député wallon veut mettre en place une attestation qui prouve que l'élève du professionnel ou du technique a un bon comportement. Est-ce que les employeurs ont besoin de ça? Standard ouvert, Marion Jomotte. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats, non, c'est vous qui le dites. Premier débat, des policiers belges qui raccompagnent des migrants à la frontière française. Ensuite, la victoire de la tartorie. Et enfin, une attestation de bon comportement pour les élèves de technique et professionnels. Le débat peut à présent commencer. Nos premiers débatteurs sont en train de s'installer en ce moment en studio. Il s'agit de Charlotte Van Bever, journaliste à La Dernière Heure, et Gilles De Coster, journaliste à la chaîne TV flamande Vire. Charlotte, Gilles, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Premier débat donc sur la table. Deux policiers belges prennent le combi et s'en vont ramener des migrants qu'ils ont pourtant arrêtés le matin même à Ypres, à la frontière, mais côté français. Premier trajet, ça passe. Deuxième trajet, les policiers français ont tout vu. On est à la limite de l'incident diplomatique. Est-ce que c'est la bonne méthode? Donc Gilles, le chef, a eu cette idée. On va les ramener. C'est la bonne méthode? Apparemment non, puisqu'ils se sont fait avoir par les flics français. Moi, a priori, je trouvais ça bizarre. C'est vraiment, genre, c'est le problème des Français à Calais et pas le nôtre. Donc on va les redropper de l'autre bout de la frontière. Ça me fait penser aux gens dans les années 80-90 qui avaient un frigo cassé, qui allaient le taper dans un fossé quelque part, pas loin, pour en être débarrassé. Donc c'est un peu limite quand même comme manière de travailler. C'est le mot, les policiers de Ypres et donc la Belgique, c'est débarrasser des migrants? Oui, c'est ça. Et puisque dit Gilles était vrai, il dit « Ah, ils se sont fait avoir ». En fait, c'est vraiment ça. On sent vraiment qu'ils avaient envie d'aller. Bon, allez, personne va voir qu'on va passer la frontière avec ces migrants. On va les déposer là. De toute façon, Belgique, France, c'est pareil. Ils reconnaissent quand même pas leur chemin. Il faut quand même dire que la justification, c'était oui, mais ils étaient perdus, ils ne savaient pas trop par où aller. Comme s'ils allaient savoir par où aller une fois passé la frontière belgo-française. Enfin, la frontière. Ah oui, sur l'argumentaire. Commissaire a dit c'est pour ne pas les laisser à pied. Ça. Et le porte-parole de la police a dit c'est pour ne pas les relâcher dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils connaissent très bien probablement Calais. Et les environs de Calais et Lille et tout ça. Ils doivent probablement avoir une carte sur eux pour se repérer en France. C'est complètement aberrant. C'est la justification et preuve qu'ils savaient très bien qu'ils ont mal agi. Et pourquoi ils ont mal agi, c'est plutôt ça la grande question. Parce qu'il y a une procédure et ils sont quand même censés connaître la procédure. Ah, il ne vous a pas convaincu non plus, le commissaire flamand, quand il dit on n'allait quand même pas les laisser aller à pied. Donc on les a mis dans le combi de trajet, on les a ramenés pour pas qu'ils aillent à pied. Ça mais ils sont au service de l'humanité, ces gardiens de la paix. C'est pour aider. Le porte-parole l'a dit, c'est pour aider. Oui, non, moi je pense que ce n'est pas pour aider. Et Charlotte a raison, il doit y avoir une raison pour laquelle on ne suit pas la procédure. Qui est de mise, que je ne connais pas d'ailleurs. Ça peut être un trop-plein, on en a marre de ces migrants, et court-circuitons les procédures. Mais à ce moment-là, c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. S'il y a un trop-plein ou il y en a un marre, ou bien il y a carrément quelque chose qui ne marche pas du tout, c'est intéressant à s'arrêter. Après, la suite de l'affaire, pour moi, c'est ironique. C'est eux qui se retrouvent reconduits chez les flics et interrogés jusqu'à 2h du matin. C'est bon, c'est bien fait pour leur poire, quoi, comme on dit chez eux. Est-ce que les policiers français ont quand même pas un tantinet exagéré? Donc, ils arrêtent les deux policiers belges, interrogatoire de 22h à 3h30, et on les arrête, on leur dit clairement, vous deux, vous faites de la traite des êtres humains. Les policiers ont voulu quoi? Les humilier ou ils ont vraiment pensé qu'il y avait une traite des êtres humains? Un petit peu les humilier et aussi marquer leur ras-le-bol à eux, parce qu'ils ont connaissent le même problème que nous. Enfin, aussi, ils sont débordés par les migrants. Ils ne savent pas quoi en faire. Si en plus, on leur rapporte comme ça des migrants qui étaient censés être sur le territoire belge à ce moment-là, forcément, eux aussi, ont un ras-le-bol. Après, je ne pense pas que l'histoire va aller bien plus loin. Voilà, ils ont marqué le coup, ils les ont gardés au poste pendant quelques heures, et voilà, histoire d'un petit peu taper sur les doigts. Ah, vous me direz dans un instant si la Belgique est en faute, parce que les Français interpellent les autorités belges et se disent fâchés. Verviers en ligne. Robert, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Deux policiers belges arrêtés en France parce qu'ils déposaient à la frontière, côté français, des migrants arrêtés le matin même à Ypres en Belgique. Est-ce que c'est la bonne méthode? Non. Pourquoi ils ont fait ça, à votre avis? Je sais pas, mais ils ont qu'à les reconduire à 1 mètre ou 2 mètres de la frontière. Et pas aller en France, ils n'ont pas allé en France, ils ne sont pas habilités, à moins que... Voilà, c'est ça, ils ne sont pas habilités pour aller en France. Ah ben donc, ce qui vous choque, c'est d'avoir traversé la frontière. Mais vous étiez d'avis que le chef de la police dise effectivement aux hommes, prenez le combi, tu me mets les Afghans dedans et tu vas les retaper à la frontière. Ça, on peut faire. Oui. Pour moi, oui, ça, on peut faire. Mais ce n'est pas une manière de s'en débarrasser? Mais attendez, on va quand même pas les prendre tous, ils sont en Belgique, non? Oh, mais il y a des procédures. Il y a des procédures. On ne peut pas prendre des gens, les mettre dans un combi et les déposer sur un bord de route quand on est policier. Ouais. Si. Avant, on le faisait. Hein. Enfin, avant, ils le faisaient, non? Donc, vous me dites oui. La justification du commissaire qui dit on a voulu aider, on n'allait quand même pas les laisser aller à pied, c'est une bonne justification? Oui, pour moi, oui. Parce que vous les voyez sur l'autoroute, et puis il y a un accident, mais voilà, ça fait, je sais pas, mais ils étaient peut-être 10, ça fait 10 morts, non, on les a reconduits au pied de la frontière, et puis voilà. Hein. Donc il faut dire merci aux deux policiers de Ypres qui ont mis les Afghans et les Irakiens dans le combi. Oui. Ok, c'est un oui très clair. Robert, vous êtes à Verviers. Dans le fond, je débriefe autour de la table. Est-ce qu'on doit dire merci à ces policiers qui ont évité un accident de sécurité routière? Il y avait des mineurs dans les Afghans, Gilles? Moi, je trouve ça d'un cynisme assez lamentable que d'aller dire merci aux flics qui remballent les êtres humains que sont ces gens vers la France, comme si ce n'était pas notre problème. Encore pire, de dire on va les ramener jusqu'à la frontière et puis leur dire faites le reste à pied, comme ça nous, on n'est pas répréhensibles. On parle d'êtres humains, on ne parle pas de frigos cassés ou de micro-ondes foutus. Ça m'énerve. Enfin, il faut un minimum de respect envers ces gens. Ils sont pas là pour leur plaisir non plus, quoi. Est-ce qu'il y a une erreur lourde, Charlotte? Parce que la France a convoqué l'ambassadeur de Belgique à Paris. Il y a une remontrance très claire de la part des autorités françaises. Est-ce que la Belgique, là, est en flagrant délit d'erreur très lourde? Bien sûr, et je trouve ça vraiment honteux, l'image qu'on doit donner à la France, le manque d'humanisme de la Belgique, alors via ces deux policiers, ou même ces trois policiers, puisqu'ils avaient des ordres à suivre. Je trouve ça honteux, même très gênant. Et j'espère qu'il y aura quand même des suites, que ça donnera lieu à quelque chose, en tout cas, qui marquera le fait qu'on ne traite pas des humains comme ça, peu importe d'où ils viennent. Ces deux policiers, ceux qui ont conduit le combi, qui ont fait les deux trajets, ils devaient dire non au chef de corps? Ils devaient dire au chef de corps, ils sont quand même flics, ils sont censés savoir qu'il y a des procédures à suivre. Mais non, il y a des procédures, on les arrête, on fait ce qu'on veut, on les garde au poste chez nous, on voit la suite, où on les place, dans quel centre on les place, mais pas on refait le chemin inverse pour aller déplacer le problème quelques kilomètres plus loin. Ils devaient dire non au chef de corps. Oui, c'est facile à dire après, évidemment, hein, de dire non à son patron. Pour moi, ils sont clairement en faute, mais il ne faut pas oublier la situation dans laquelle sont ces flics, là, dans la zone frontalière. Ah, c'est au cœur de la zone. Hein, c'est pas évident, donc ça ne doit pas être facile d'être flic là-bas, il ne faut pas l'oublier. Bon. C'est à vous de vous prononcer. Deux policiers belges ont été arrêtés en France parce qu'ils déposaient à la frontière côté français des migrants arrêtés le matin même à Ypres, Belgique. Est-ce que c'est la bonne méthode? Dans un instant, deuxième débat sur la table. Vous nous direz si Willy Borsu a humilié l'AFSCA en donnant raison à la tartorie. Elle peut être conservée à l'extérieur. Ensuite, le député wallon qui veut une attestation qui prouve que l'élève professionnel technique a un bon comportement. Question qui dérange à 10h45. 6 mois après les attentats, les assureurs jurent qu'ils vont rembourser à 100% les dommages moraux. Mais est-ce qu'on est sûr qu'ils vont rembourser tous les traumatismes psychologiques de ceux qui sont blessés et des autres? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Shopping. Finir la semaine par un happy weekend, c'est encore un cadeau du Walu et Shopping. Place aux prix d'amis, aux surprises et aux cadeaux. Le plaisir shopping à l'état pur, c'est au happy weekend du Walu et Shopping. C'est 24 et 25 septembre, dimanche compris. Shopping. Walu et Shopping. Vivacité présente Acerta Brussels Equidène, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidène.be. Une initiative d'Acerta avec la DH et la 2. Vivacité présente Éric Antoine, Magic Delirium. Magie. Le show magicomique d'Éric Antoine. Un mélange d'humour, de magie, de musique et de grande illusion. On va s'éclater! Au Cirque Royal de Bruxelles le dimanche 6 novembre à 17h. Infos et réservations, ticketmaster.be 02 218 2015. Infos et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actu avec vous, avec Gilles de Coster, la chaîne de télévision flamande Vire, Charlotte Van Bever, journaliste La Dernière Heure. Deuxième débat donc, on verra s'il s'impose. Contrairement à ce que voulait l'AFSCA, la tartorie de Verviers peut donc rester 12 heures à l'air libre à 20 degrés. Est-ce que Willy Borsu, qui est le ministre de tutelle, a humilié l'AFSCA? Deux éléments qui prouvent peut-être que l'AFSCA a été humilié. D'abord, il y a la victoire donc, de la tartorie. Et puis Willy Borsu est parvenu à faire créer au sein de l'agence une cellule petit producteur, qui va donc enfin essayer de travailler tous ces problèmes liés au terroir et aux petites productions. Est-ce que Willy Borsu a humilié l'AFSCA, Charlotte? Non, pas du tout. Quelqu'un qui défend un petit peu le terroir, les produits du terroir, je pense qu'on en a bien besoin. C'est une spécificité ici wallonne, une région particulière. C'est bien d'avoir quelqu'un qui va au-delà des normes fédérales, au-delà surtout, c'est ça qui est important, au-delà des normes européennes, parce qu'on sait bien que ça part toujours un petit peu de l'Europe, toutes ces c'est un ministre qui n'a pas suivi son agence. C'est là où l'agence disait 7 degrés maximum. Il a dit, je vais demander une autre étude et on va voir ce qu'on va voir. Mais il a eu raison, puisque qui défend ici des petits producteurs, c'est un savoir-faire à la Belge qui va forcément se perdre avec les générations et il faut conserver, tout faire en tout cas pour que ce savoir-faire reste ici en Belgique. Une tarte au riz, ça se fabrique d'une telle façon, pas d'une autre. Voilà, il y a une façon de faire et elle n'est pas autrement, c'est pas autrement, c'est vous, comme ça. Vous pouvez, vu de Flandre, Gilles, décoder la procédure. Est-ce que le ministre, en fait, vient de nous dire l'AFSCA c'est bien, mais l'AFSCA ça a des limites très grandes. Alors, et là, il y a flagrant délit de vous aviez atteint vos limites, monsieur AFSCA. Moi, c'est une polémique délicieuse que j'apprends aujourd'hui, parce que je ne la connaissais pas, donc je vous l'avoue. Et en fait, ma conclusion première, c'est de dire l'AFSCA a fait un petit excès de zèle, probablement, parce que toutes les règles ne s'appliquent pas à toutes les spécialités, c'est comme ça. Donc il y a un truc très positif, c'est qu'il y a une cellule petit producteur qui va s'occuper maintenant de ces produits régionaux dont il faut être fier. Mais je crois que M. Borsu a, d'un pif incroyable, senti qu'il y avait quelque chose à faire quand il a vu la colère des gens face à leur tarte. Il a voulu récupérer l'électorat. Et j'imagine, parce que sinon on ne met pas une deuxième étude pour aller à l'encontre de l'AFSCA. J'ajoute encore que les études scientifiques, c'est comme les statistiques, on peut en sortir 50, dont 25 seront toujours en votre faveur et 25 toujours opposés à ce que vous dites. Donc, à mon avis, il a vu un beau coup politique à jouer, un bon coup de com', mais il faut lui tirer son chapeau parce que c'est bien fait et il y a cette cellule pour les petits producteurs qui, à mon avis, va être très utile. Vous savez qu'on a relooké tout à l'heure la photo de Willy Borsu qui hier donnait sa conférence de presse dans une boulangerie brandissant devant les objectifs des caméras sa fameuse tarte au riz. Ansrem est en ligne. Paul, bonjour. Oui, bonjour. Contrairement à ce que voulait l'AFSCA, la tarte au riz de Verviers peut rester 12 heures à l'air libre à 20 degrés. D'abord, est-ce que le ministre Willy Borsu a humilié l'AFSCA en demandant des analyses supplémentaires et en faisant gagner la tarte au riz? Moi, je ne pense pas que le ministre a humilié l'AFSCA. Je pense simplement qu'il défend un produit qui existe depuis pas mal d'années et que l'artisan a toujours travaillé comme ça et qu'on laisse continuer à travailler comme ça. Autrement, on va se retrouver sur le même système que les fromages de Herf. Je vous fais la question autrement. Est-ce que l'AFSCA ne s'en sort pas encore plus salie et mal aimée qu'elle ne l'était déjà? Je pense qu'il ne salit pas l'AFSCA. L'AFSCA est pour moi quelque chose de nécessaire, mais ils vont un peu trop loin dans leur système. Vous avez vu le deuxième élément de cette conversation, c'est que Willy Borsu est parvenu à forcer ou à mettre en place une cellule petit producteur dont l'objectif sera d'apporter une réponse spécifique aux petits producteurs. Vous pensez que les petits producteurs auront confiance dans l'AFSCA et dans cette cellule? Vous pensez que le lien va se tisser entre les deux? Je pense qu'au moment où il y aura un dialogue entre la cellule et le petit producteur convenable et un dialogue de productivité, que là, oui, le petit producteur va l'accepter et va travailler avec cette cellule en connaissance de cause. Pourquoi ça n'existait pas encore? Pourquoi c'est seulement maintenant que l'AFSCA semble découvrir avec cette cellule l'importance des petits producteurs? Pourquoi ils n'y ont pas pensé avant? Je pense que l'AFSCA est un peu poussée par ces politiques européennes qui, à mon avis, sont des gens dans les bureaux qui ne connaissent pas non plus la réalité du terrain. Et voilà, donc ils sortent un petit peu tout et n'importe quoi pour l'hygiène et pour la santé des gens, mais est-ce que ça y contribue réellement? Vous êtes à Ansrem, on verra si la conversation peut aller plus loin tout à l'heure. Je termine autour de la table. Charlotte, est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Jusqu'ici, l'AFSCA était au service des grands groupes de distribution, des grandes politiques européennes, et voilà enfin l'AFSCA qui s'occupe des petits, c'est ça qu'il faut comprendre? Disons que maintenant l'AFSCA est un petit peu obligée d'agir différemment avec des petits producteurs qui ont moins de moyens et qui ont vraiment, comme on le disait tout à l'heure, une façon de faire particulière. Après la tarte au riz, ça pourrait très bien être la tarte au sucre de Chaumont dans quelques semaines, donc au moins là, ça rassure aussi les artisans, ça leur fait prendre conscience que

dans l'entreprise. On a besoin de ça, Gilles, parce que l'idée vient de chez vous, de Flandre. Chez moi, oui. Mais écoute, ouais. Je vous avoue à nouveau que j'apprends. Je ne connaissais pas du tout, moi, le truc. Chez vous, ça s'appelle soda. Soda à test. Soda. Écoutez, si ça a fait débat, ça n'a pas dû être très grand débat parce que j'ai complètement zappé. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit. Donc, non. À mon avis, il s'agit ici d'un député maire, peut-être en mal d'attention, qui a trouvé un truc pour se propulser dans les feux. Ou alors, il y a un vrai besoin. Est-ce que ça sous-entend qu'en technique et en professionnel, les élèves qui sont là n'ont pas toujours la bonne attitude? Ah oui, ça sous-entend ça, c'est clair. Ça sous-entend ça. Ça, c'est déjà un a priori qui fait que ces gens-là sont déjà en technique. Et en plus, on leur dit, écoutez, vous, comme vous êtes en technique, vous n'êtes pas des gens disciplinés, vous n'êtes pas des gens ponctuels. Donc bon, il y a quand même méfiance vis-à-vis de vous. On a quand même besoin de vous pour travailler, on a besoin de vous dans les PME, etc. Mais les gens sont méfiants parce que vous n'avez pas un diplôme conventionnel de l'école qu'on a faite. Donc pourquoi eux? Pourquoi est-ce que nous, on ne nous demande pas à ce moment-là, quand on va présenter notre CV chez un employeur, regardez, moi à l'école, on m'a dit que j'étais ponctuel, que j'avais 10 sur 10 en discipline, etc. Pourquoi spécifiquement? Parce qu'il y aurait une demande dans le monde de l'entreprise. Mettez-vous alors, Gilles, dans la peau d'un employeur. Est-ce que ça ne vous intéresse pas quand deux stagiaires se présentent, de regarder le certificat de l'un pour voir s'il est dans la bonne attitude, dans le bon comportement? C'est pas intéressant? C'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait possible qu'il y a eu des cas dans des boîtes où des gens ont eu des stagiaires ou même embauchés des jeunes qui n'ont pas été disciplinés ou où ça a été une catastrophe, quoi. Donc je comprends que ça peut être possible, mais j'aime pas beaucoup la marque qu'on leur met sur le front. Déjà dans une situation où on se sent déjà pas comme ceux qui font l'école. Mais le cachet ponctuel, il vous gêne? Vous savez, il arrive à l'heure. Boom. Ponctuel, moi j'ai pas fait la technique ni la professionnelle, j'ai jamais été super ponctuel non plus, donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont dans une formation technique ou professionnelle, ça c'est simplement de l'éducation. Alors ici, il allait mettre un badge, parce que c'est ça, hein, c'est un badge à des jeunes. Oui, je sais pas, je suis pas 100% fan de cette idée. Ce jeune, Charlotte, va venir dans mon entreprise et il aura sur son certificat cachet, il est ordonné avec le matériel. C'est pas intéressant? Oui, mais qu'est-ce qui vous prouve que parce qu'il était ordonné avec le matériel à l'école, il le sera avec le matériel que vous lui mettrez à disposition? Et inversement. Parce qu'il y a, alors dites-moi si la méthode d'évaluation est bonne. Donc les ADOP, attitude, discipline, ordre, ponctualité, seront évalués tout au long de l'année par le conseil de classe. Et donc on aura une vision longue de l'élève. C'est magnifique. Disons, on se plaint souvent qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour faire tout ce qu'ils doivent faire, les enseignants, etc. Et là, ils vont encore évaluer autre chose. Encore un bulletin. Ils ont déjà du mal à rendre leurs notes, etc. Donc leur code de fin d'année, et maintenant ils vont devoir évaluer le comportement des élèves. On sait très bien comment ça va se terminer. Ça va se terminer avec tout le monde qui aura cette attestation, sans même prendre attention s'ils sont ponctuels, disciplinés, en ordre, etc. Et on va délivrer ces attestations comme ça. Qui mieux que le conseil de classe alors, Gilles? Eux connaissent l'élève. Oui, mais c'est pas. Et le juge sur une année. Mais je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas quelque chose à aller mettre dans un bulletin, dans une nouvelle attestation, sur un nouveau petit formulaire. Non, ça c'est une question d'éducation. On parle de jeunes en, si je crois, second et troisième degré, c'est ça? Oui, donc ce sont ceux qui sont vraiment impliqués dans le technique, dans le professionnel. 14-18 ans à peu près, c'est ça? Entre 14 et 18 ans, on devrait quand même pouvoir essayer d'éduquer quelqu'un à être ponctuel, à avoir un minimum de discipline, à avoir un minimum d'intérêt dans le boulot qu'il veut faire ou un minimum d'assiduité. Donc faisons ça plutôt dans un circuit plus informel que nous voilà leur donner un papier, quoi. Parce que ceux qui n'ont pas le papier, qu'est-ce qu'on va en faire? On demande un avis à Liège. Virginie, bonjour. Bonjour Benjamin. Votre fils a 17 ans en technique, il est dans quelle filière? Il est en chauffage sanitaire, il a fait 3 ans de général et puis il n'avait plus envie, il est allé de lui-même en technique, ils sont soumis exactement au même fait qu'en général. Ah ben attendez, voici la question. Ils ne sont pas tous des barlos quand même. Virginie, le député Wallon se dit que ce serait bien pour les employeurs une attestation qui prouve que votre fils en technique a un bon comportement. Est-ce qu'un employeur a besoin de ça? Je ne dis pas vous, je dis un employeur. Est-ce qu'il a besoin de ça? Le bulletin, ça sert à quoi? Mais le bulletin ne dit pas si votre fils est ponctuel. Mais s'ils font des bêtises, ils sont virés de l'école au même titre que les générales. Mon fils a fait 3 ans de général, il y avait des pires que maintenant en technique. Mais le bulletin ne dit pas son attitude. Il y a attitude, comportement, il y a tout, comme en bulletin général. L'ordre, est-ce que le bulletin dit s'il est ordonné avec le matériel? Mais parce qu'il est ordonné, mais il est mis attitude, etc., suffisant, satisfaisant, bien, très bien. Mon fils a brossé une fois, j'ai été prévenue avant la fin de la journée. Mais alors pourquoi il y a une demande? Il y a des entreprises qui seraient en demande de ce genre de certificat d'attitude, pourquoi? Ben, à mon avis, comme votre interlocuteur disait, il veut se faire mousser, le gars il veut se faire connaître, c'est une ineptie finie. Ah, ça fonctionne en Flandre apparemment, et c'est de là que vient l'idée, le député contacte école sur école et il a vu qu'il y avait un intérêt. Virginie, je débriefe autour de la table, est-ce que le bulletin suffit pour parler de l'attitude ou c'est un peu léger, Gilles ? Pour moi ça suffit, ici c'est vraiment clairement quelque chose qui a été taillé sur mesure des patrons qui veulent facilement pouvoir embâcher quelqu'un et avoir un max de certitude que c'est quelqu'un qui va bien travailler. Mais le monde n'est pas fait ainsi. Donc pour moi, un bulletin, un minimum de... Et puis qu'on leur donne quand même un minimum de confiance à ces jeunes. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais donc le bulletin me dit s'il est à l'heure, et me dit s'il respectera les machines, et me dit s'il piquera pas dans la caisse de l'entreprise. Le bulletin dit à quel type d'élève on a affaire. Mais un élève ne se révélera pas toujours de la même façon quand il sera dans le monde du travail. Il peut être très bon élève et moyen quand il sera vraiment mis face à ses responsabilités. Et inversement, il peut être pas très motivé à l'école et très très bon en tant que travailleur. Donc ça ne veut absolument rien dire. Attestation, pas attestation, 18 sur 20 ou 12 sur 20, finalement, c'est une fois qu'on est au travail qu'on se rend compte. Le plus important, ça ne va pas, à mon avis, motiver plus ces jeunes. Ça va les démotiver et c'est ça qu'il faut éviter pour moi. Ça les démotivera ? Bien sûr. Ils sont d'accord là-dessus. Charlotte Van Bever, Gilles de Coster, bonne journée tous les deux. Merci. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Deux policiers belges ont été arrêtés en France parce qu'ils déposaient à la frontière, mais côté français, des migrants qu'ils avaient arrêtés le matin même à Ypres en Belgique. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Contrairement à ce que voulait l'AFSCA, la tartorie de Verviers peut rester 12 heures à l'air libre à 20 degrés. Le ministre Willy Borchu a-t-il humilié l'AFSCA en lançant des analyses et en créant une cellule petit producteur ? Et puis un député wallon veut mettre en place une attestation qui prouve que l'élève, du professionnel ou du technique, a un bon comportement. Est-ce que des employeurs ont besoin de ça ? 070 233 466, SMS 3063, il n'y a que comme ça qu'on rentre dans la conversation. Waterloo, Marie-Agnès en ligne, bonjour. Bonjour. Ces deux policiers belges prennent le combi, premier trajet avec des migrants, deuxième trajet avec des migrants, et là ils se font choper par les Français. C'était la bonne méthode ou pas ? Alors la méthode, je ne peux pas utiliser ce mot méthode pour la manière, pour concevoir la manière dont nous accueillons les réfugiés. Je suis outrée par le fait que nous ne respectons pas les réglementations européennes, que ce soit en France ou en Belgique, et que donc... La police a voulu les aider, la police ne voulait pas les relâcher dans une ville qu'ils ne connaissent pas, Ypres, et donc préférait les remettre dans leur zone d'intérêt, c'est-à-dire France vers Calais. Bon, je vois pas l'intérêt de les laisser sur la route, ce pas ça. Le problème n'est pas là. Pour moi, le problème, c'est que nous sommes absolument... Je suis honteuse de voir comment nous traitons les êtres humains et comment nous expédions avec une facilité déconcertante les gens, que ce soit sur la route ou autre part. Marie-Agnès, est-ce que vous êtes d'accord ? Marie-Agnès, est-ce que vous êtes d'accord alors avec ce qu'ont fait les policiers français ? Ils ont arrêté les deux policiers belges, les ont interrogés en disant « Vous faites de la traite des êtres humains ». C'est ridicule. Ah, donc vous n'êtes pas d'accord avec l'attitude des Français ? Absolument pas. Absolument pas. Ils ne sont pas un exemple du tout. Et je trouve que la France, avec ses problèmes de Calais, c'est un irrespect de l'humanité de façon absolument... Mais alors qu'est-ce qu'il fallait faire ? Donc sachant que les policiers de Ypres l'ont fait, ils ont mis les migrants dans le combi et les ont ramenés. Que la France se mette en contact avec la Belgique, prenne des dispositions humaines et veille à ce que ces gens puissent trouver entre-temps un accueil, que ce soit en Belgique, en France ou partout où ils passent, qu'il y ait une répartition sur le plan européen. Mais la manière dont on expédie ces gens comme des véritables paquets, je trouve ça absolument scandaleux. Marie-Agnès, juste sur ce qui s'est passé là à la frontière, donc le combi des Belges est là, les policiers français voient ça, les policiers français devaient laisser faire la manœuvre ? Ils n'ont pas à intervenir par rapport à des immigrants ou des réfugiés, parce qu'ils n'ont pas à intervenir là-dedans. Pour moi, c'est une question politique de beaucoup plus haut niveau, et c'est à ce niveau-là qu'il faut traiter les choses. Mais comprenez la question de ce matin, elle ne concerne pas l'ensemble de la politique migratoire belge, elle concerne des faits précis. Ce qui s'est passé ce jour-là à la frontière avec un choix délibéré fait par des policiers belges qui ont décidé d'arrêter des gens, mais qui après les ont ramenés en cachette, quasi à la frontière. Nous allons dans un instant à Verlaine. Nicolas nous attend et nous dira si on a besoin d'une attestation pour dire qu'un étudiant du professionnel ou du technique a un bon comportement. ce samedi 24 septembre. Bonjour. Oui, bonjour. Lors de la journée du client du West End. Bonjour. Oui, ce sera effectivement un bon jour pour se faire offrir un shopping bag avec plein de surprises dedans. Et bonjour. Bonjour. À condition d'être parmi les 1500 premiers arrivés au West End Shopping. Et ce sera vraiment un... Bonjour. Ben voilà, c'est ce que je disais. Info, westlandshopping.be. Ring West, sortie 14, parking facile. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en... Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalles pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Ce message s'adresse à vous qui venez de percevoir votre assurance groupe ou de remettre votre entreprise. Pour vous, les conseillers CBC proposent des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent. Ils se montrent proactifs et ils sont à votre écoute à tout moment, plus que jamais dans ce contexte aussi changeant. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Ben oui, déchaînez-vous. Et au 070-233-466, contrairement à ce que voulait l'AFSCA, la tarte au riz de Verviers peut rester 12 heures à l'air libre à 20 degrés. La question sur la table, Marion, est-ce que le ministre Willy Borchu a humilié l'AFSCA en lançant des analyses et en créant une cellule petit producteur? À ce propos. Eh bien, à ce propos, pour Myriam de l'Église, oui, le ministre a clairement humilié l'AFSCA, mais il a commis une grave erreur en faisant cela. Il devra payer les conséquences de sa décision quand, dans quelques mois, quelques semaines, les gens commenceront à tomber malades, auront des indigestions à cause de ces produits qui ne seront pas bien conservés. Myriam trouve que c'est très dangereux d'abaisser les critères de contrôle de l'AFSCA. Ça ne peut que mal se finir. Verlaine, Nicolas, bonjour. Bonjour. Et vous êtes patron dans le domaine de l'électricité. Un député wallon veut mettre en place une attestation qui prouve que l'élève du professionnel ou du technique a un bon comportement. Est-ce que vous, le patron, vous avez besoin de ça? Moi, oui, je dirais oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui est problématique dans le comportement des jeunes que vous croisez? Oui, parce qu'à un moment, en tout cas dans notre domaine, on cherche des électriciens compétents, suivant les exigences des projets qu'on a. Donc on n'a pas énormément le temps d'apprendre, ça c'est une chose. Et à la limite, qu'on ait au moins 10% simplement ou 5% d'étudiants dans sa boîte, ça dépend de la grandeur de la boîte, pour prendre du temps et les apprendre. Et au moment où on cherche et qu'on a les étudiants, les techniciens qui viennent, qui disent « oui, moi j'ai mon diplôme » et qu'on le met sur chantier et qu'il est incapable de faire son travail... Attendez Nicolas, c'est deux choses. Donc c'est deux choses. La compétence technique, ça c'est le bulletin, c'est le diplôme. Ici dans l'attestation, qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura pas sa maîtrise électrique, non, il y aura son attitude. Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il est bon camarade? Il y aura son respect des horaires, son respect de la hiérarchie. On vous dira s'il est à l'heure. On ne vous parlera pas de compétence technique dans l'attestation, mais de son comportement. Vous avez besoin de ça? Oui, tout à fait, hein, parce que les comportements, c'est quoi? C'est être à l'heure à son travail, c'est de respecter le matériel, respecter les clients qui en face. Et vous avez déjà vu des jeunes qui ne sont pas à l'heure et qui ne respectent pas le matériel? C'est certain. Moi, j'ai eu des étudiants qui sont venus ici chez moi une semaine. Et la première fois, je lui en parle. La deuxième fois, je lui en parle. La troisième fois, je parle même à son éducateur. Et puis après, je fais quoi? J'arrête, hein. Nicolas, je retiens que vous avez déjà été confronté, mais la communication est difficile. Permettez-moi de vous rappeler tout à l'heure si ce débat s'impose. Virouinval, maintenant. Henri, bonjour. Oui, bonjour. Et donc, contrairement à ce que voulait l'AFSCA, la tartorie de Verviers pourra rester à l'air libre. Est-ce que le ministre Willy Borchu a humilié l'AFSCA? L'AFSCA avait dit non. Mais là, à force de demander des analyses en plus, la tartorie a raison. Est-ce que le ministre a humilié l'AFSCA? Bah, je ne dis pas qu'il l'a humilié, mais bon, c'est un juste retour des choses. L'AFSCA humilie des commerçants, même des clients qui sont dans des restaurants ou n'importe quoi. Les humilie, on dirait des SS. Hein. L'AFSCA n'humilie pas, elle fait respecter les règles de sécurité alimentaire. Elle est payée pour faire respecter les règles. Oui, elles imposent des règles à eux, parce qu'elles changent de règles tout le temps. Alors, Attendez, ici, il y a une nouveauté. On crée à l'AFSCA une cellule petit producteur. Ça vous rassure? Oui, je respecte le service, hein. Pourquoi, vous avez un doute? Oh, mais l'AFSCA est à la solde des grosses entreprises depuis longtemps. Hein. Mais là, avec cette cellule petit producteur, et qui sera le lieu de contact avec les petits producteurs, elle est maintenant au service de tous. À partir du moment où c'est fait par des gens compétents, peut-être, oui. Je sens que vous avez une très grande méfiance. Mais je me méfie toujours de l'AFSCA, parce que moi j'ai déjà assisté à des trucs qui ne sont pas possibles. Mais alors comment on fait pour retisser le lien avec l'AFSCA, pour retrouver la confiance? Si la victoire de la tartorie, si la cellule producteur ne vous enthousiasme pas, comment on fait pour retrouver la confiance? Pour retrouver la confiance, il faudrait que l'AFSCA soit surveillée par une autre association. Donc vous voulez un contrôleur du contrôleur? Bah oui, certainement. Mais il y a quelqu'un au-dessus, c'est le ministre de tutelle, et le ministre a commandé une analyse pour sauver la tartorie. C'est parce que comment fonctionne l'AFSCA? Henri, ça fait combien de temps que vous n'avez pas confiance ou plus confiance dans l'AFSCA? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Alors je retiens votre référence historique, sauf que l'AFSCA est payé pour faire respecter des règles alimentaires et des règlements qui n'ont pas toujours été adoptés ou choisis par l'AFSCA. Hein. Mais c'est pour ça qu'on paye cet organisme. On marque une pause et dans un instant à Wavre, Pierre nous dira si les policiers de Ypres qui étaient dans le combi avec des migrants ont bien fait de les ramener à la frontière. Vous disposez d'actions depuis longtemps? Et avez besoin de conseils pour vos investissements? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Au poire rouge, au poire rouge, ton goût juteux glisse dans la bouche. Complètement belge, sweet sensation, séduisez-nous au poire rouge. Les poires sweet sensation, juteuses et belges, maintenant dans tous les magasins prêtes à vous séduire. Au poire rouge, au poire rouge, sweet sensation. Salut, c'est Hip et j'ai une grande nouvelle. Cette semaine dans votre hypermarché Carrefour, offrez-vous une Opel Corsa en leasing privé pour BAM 178 euros par mois, tout compris. Plus d'infos sur directlease.be. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le TikTok, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. Viva, Viva, Viva, Viva, Viva City. Et au 070-233-466, un député wallon veut mettre en place une attestation qui prouve que l'élève du professionnel ou du technique a un bon comportement. Est-ce que les employeurs ont besoin de ça? Marion, à ce propos. Et à ce propos, pour Tony de Mont-sur-Marchienne qui est chauffagiste, oui, ces attestations sont utiles. Tony voudrait bien avoir ce type d'attestation à sa disposition quand il doit choisir des apprentis et des employés parce que la ponctualité et l'ordre sont des qualités tout simplement indispensables pour être un bon chauffagiste. Alors, Tony n'a pas le temps de refaire la formation de chaque employé. C'est à l'école que les élèves doivent apprendre à se plier à un horaire. Tony le dit, 6h30, c'est 6h30, pas 7h15. Si cette attestation existait, eh bien Tony y prêterait sans doute plus d'attention qu'au diplôme ou qu'au bulletin en lui-même. Wavre en ligne. Pierre, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Donc mardi, deux policiers belges ont été arrêtés en France parce qu'ils ont déposé à la frontière, mais côté français, des migrants qui avaient été arrêtés le matin même à Ypres en Belgique. La police avait arrêté ce groupe, une quinzaine de personnes, au bord de la route. Ils marchaient, ils s'étaient trompés de camion, pensaient arriver en Angleterre. En fait, ils étaient à Ypres. On les arrête, on prend l'empreinte, et puis en cachette, on les ramène en combi. C'est la bonne méthode ? Bah écoutez, je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis policier. Des situations comme ça, on en a quand même régulièrement. Alors ici, depuis ce matin, j'entends qu'on tape un peu sur la tête des policiers qui ont fait le choix, dit-on, de ramener ces personnes à la frontière. Ce qu'il y a, c'est que je pense que la responsabilité est plutôt à tourner vers le politique et notamment vers l'Office des étrangers qui donne les directives. Bah attendez, donnez-moi la directive. En toute logique, dans la procédure normale, je croise des migrants, je les interpelle, je prends les empreintes. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est la vraie procédure ? Donc la procédure, c'est d'aviser l'Office des étrangers et c'est eux qui, sur base des dossiers existants ou des dossiers qui créent, prennent des décisions. Souvent, on délivre des ordres de quitter le territoire, donc ça veut dire qu'ils ont un certain nombre de jours pour quitter le territoire par leurs propres moyens. Il y a d'autres situations où soit on demande de reconduire ces personnes dans des centres fermés pour que les suites soient données, donc soit ils sont reconduits vers leur pays d'origine, soit il y a des recours possibles, ou alors encore, on demande de reconduire ces personnes à la frontière. Donc les policiers qui ont reconduit ces gens à la frontière l'ont fait, je présume, je connais évidemment pas le dossier, mais sur base d'une décision prise par l'autorité qui est l'Office des étrangers. Mais attendez, est-ce que l'Office des étrangers peut acter une reconduction à la frontière immédiate ? Oui, bien sûr, tout à fait, c'est dans les procédures. Parce que là, on nous dit, jusqu'à preuve du contraire, que c'est l'idée du chef, hein, c'est l'idée du chef de corps qui dit « bon, tu prends le combi et tu me fais deux trajets pour aller les ramener, et si possible, tu les mets en France. Comme ça, ni vu ni connu, bon débarras. » Voilà, mais donc, évidemment, moi, comme je vous dis, je ne connais pas ce dossier, je pense que d'ailleurs, personne qui participe ici connaît ce dossier, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que cette procédure existe, la reconduite immédiate à la frontière, ça existe. Alors dans ce dossier-là, est-ce que leur chef a décidé d'aller les déposer à la frontière sans aviser l'Office des étrangers ? Mais bon, alors là, c'est un autre débat. Là, il y a clairement une erreur, on va dire, de procédure, etc. etc. Les Français sont fâchés. Est-ce que les Français ont raison ? On est à la limite de l'incident diplomatique. Et on a perdu visiblement Pierre en cours de conversation. Non, voilà, je suis là. Les Français sont fâchés, c'est un incident diplomatique ? Mais je pense pas que c'est un incident diplomatique parce qu'on a reconduit, qu'on a exécuté les procédures qui existent en Belgique. Et voilà, il y a un accord entre pays européens et c'est tout. Alors, les Français sont fâchés, et les Français font la même chose de leur côté. Il n'y avait pas d'accord là-dessus, hein, et l'ambassadeur belge est convoqué, et les Français sont très fâchés de l'attitude des policiers. C'est donc une voiture banalisée de policiers français qui a vu le petit manège et qui, au deuxième dépôt, a dit « je vous arrête pour traite des êtres humains ». Nous allons maintenant, on verra si la conversation s'impose, à Fontaine-l'Évêque. Léa est en ligne, bonjour. Bonjour. Voilà l'idée d'un député wallon, une attestation qui prouve que l'élève du professionnel ou du technique a un bon comportement. Mettez-vous dans la peau du patron, est-ce qu'un patron a besoin de ça ? Non. Non ? Non. Alors, attendez, j'ai saisi au vol chez Nicolas l'électricien tout à l'heure, qu'il envoyait des candidats avec une attitude un peu complexe. Oui, mais ça c'est pas normal, enfin, on ne doit pas donner cette attestation. Ça doit être au feeling avec l'entrepreneur. Oui, mais un feeling ne me dit pas si le gars que je vais engager en stage arrive à l'heure. Un feeling ne me dit pas s'il est respectueux des machines, tandis qu'un rapport me dira s'il respecte les machines. Et pourquoi on fait des semaines d'essai et des entretiens d'embauche ? Ici, le rapport parle d'attitude, de discipline, d'ordre et de ponctualité. Et l'intérêt, c'est que le conseil de classe va évaluer ça pendant toute l'année. Donc on aura une certitude sur un temps d'un an. Mais on va la donner à tout le monde. C'est plus que logique. Ils n'ont déjà pas le temps de nous coter comme ça. C'est pas possible autrement. Pourquoi on ne pourrait pas évaluer ça de manière fine et avoir un outil qui serait complémentaire au bulletin ? Bien parce qu'on a déjà une qualification, un CESS, et quand on le met avec un CV, on le lit déjà même pas. Donc pourquoi il se mettra à lire une attestation ? Léa, qui êtes-vous ? Vous êtes dans le technique, vous êtes dans le professionnel ? Moi j'étais dans le technique, je suis sortie de l'école. Quelle section, quelle filière ? Construction. Et il y en avait qui avaient des problèmes de comportement ? Bah, en général, en 4, 5, 6, il n'y a pas ces problèmes de comportement-là, parce que voilà, on a grandi, on n'est plus les mêmes, on n'est plus des sales gosses, et voilà. Et puis, on nous fait déjà passer pour des cons comme ça, alors imaginez que... Ah, c'est humiliant, l'idée du certificat de comportement, c'est humiliant. Mais je pense, oui, parce que je trouve que c'est un peu nous faire passer, voilà, pour des débiles mentaux, et pourquoi on ne ferait pas ça pour les généraux aussi, quoi. Sauf qu'ici, c'est une attestation qui permettra vraiment l'entrée directe en entreprise. Celui qui fait du général, au bout de la sixième, il n'est pas apte à entrer dans une entreprise. Oui, en général, d'accord. Mais dans l'enseignement technique, on a des stages. Et ces stages permettent parfois d'avoir du travail. J'ai les trois quarts des garçons de ma classe qui ont eu un travail en sortant de leur stage. Hein. Vous rejetez tout sur le certificat, l'attitude, la discipline, l'ordre, la ponctualité, ou il y a quand même un élément que vous gardez ? Franchement, je rejette pas tout parce que voilà. Ah ben lequel vous gardez ? Ponctualité, ok. Ponctualité. Et peut-être bien de compétences de matériel, mais voilà. Ça reste dans la qualification. Donc le rapport, il n'est pas sur les compétences. Hein, ça, on est bien d'accord. Hein. Le rapport, il ne parle, l'attestation, elle ne parle que de ce qui est à côté de la compétence. Attitude, discipline, ordre, ponctualité. Vous ne gardez que la ponctualité. On verra si on peut aller plus loin dans cette conversation. À tout à l'heure, après les infos. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit, Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Shopping. Finir la semaine par un happy weekend, c'est encore un cadeau du Walué Shopping. Place au prix d'amis, aux surprises et aux cadeaux. Le plaisir shopping à l'état pur, c'est au happy weekend du Walué Shopping. C'est 24 et 25 septembre, dimanche compris. Shopping. Walué Shopping. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez ce 25 septembre, la dernière étape de la saison, celle de Bruxelles sans voiture, comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, et puis des milliers de beaux héros, escortés par Joël Skoritz et les Magic Systems, dans la capitale la plus verte d'Europe. Ce dimanche après-midi, sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. C'est Viva ici, il est 10h. Yasmina Favaro pour le Flash, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La Belgique touchée en plein cœur, c'était il y a 6 mois, jour pour jour, le 22 mars. 3 bombes explosées à Bruxelles, 2 à l'aéroport de Zaventem peu avant 8h, 1 dans la station de métro de Malbec peu après 9h. 32 personnes ont perdu la vie et 350 ont été blessées dans ces attentats. 6 mois plus tard, les victimes peinent avec les factures pour leurs soins, toujours pas complètement indemnisées. Mais il y a du neuf, à présent les assurances ont le feu vert. Les victimes seront dédommagées à 100%, aussi bien pour les dommages physiques, matériels que moraux. Jusqu'ici, seules les blessures physiques l'étaient. Dans quelles circonstances Véronique Piroton est-elle morte ? Aujourd'hui, le rapport des légistes fera face à celui des experts de la défense au procès de Bernard Westphal aux assises du Hainaut. Des débats qui devraient commencer cet après-midi si le procès ne prend pas trop de retard. Avant, le juge va aborder la chronologie des faits et notamment l'analyse des fameux 3 quarts d'heure durant lesquels l'ancien député wallon dit s'être endormi. Les syndicats de Caterpillar vont pouvoir poser leurs questions à la direction américaine de l'usine d'engins de chantier. Une délégation se rend à Gosselies aujourd'hui, toujours dans le cadre des discussions de la procédure Renault après l'annonce de la fermeture du site. Des syndicats qui vont confronter les Américains sur les chiffres. Objectif, démonter la thèse selon laquelle la fermeture de Caterpillar-Gosselies s'impose. Pour les syndicats, l'usine Carolo n'a pas de problème de coûts salariaux ou de logistique. Aux États-Unis, l'état d'urgence a été décrété en Caroline du Nord après une nouvelle nuit de violence dans la ville de Charlotte. Un manifestant a été blessé par balle lors de violences entre civils. Il s'agit de la 2e nuit de protestation dans cette ville. Un homme noir tué par la police il y a quelques jours a déclenché toutes ces manifestations virulentes. La météo, aujourd'hui, il fera beau et doux. Très peu de nuages et de belles éclaircies au programme. Les températures, elles, seront comprises entre 17 et 22 degrés. Le point RTBF Mobile Info avec Jean-Marc Strehl. Il y a un accident dans l'échangeur de Timéon. Oui, très exactement. C'est dans la Bretelle qui relie l'A54 venant de Nivelles. Le 42, c'est en direction de Liège. Quelques ralentissements également sur l'A602 Lens-Saint-Chéné, uniquement vers Chéné, entre Ans et Saint-Nicolas. Accrochage sur le 411 Namur-Bruxelles à hauteur de Jésus-Eyck. Des files se sont formées en direction de Bruxelles. À cela s'ajoute une camionnette en panne à hauteur d'Overijs. Bref, c'est pas évident. Pour joindre Bruxelles via le 411, un peu de patience. Le 19 reste chargé aussi, venant d'Anvers entre Petit et Macquelen. Un petit coup d'œil rapide sur le ring. Circulation extérieure de Léonard à Terveren vers Zaventem, ça reste dense. Et pour la circulation intérieure entre Grand-Bégard et Zélic et de Strombeek-Bever à Grimbergen en direction de Zaventem. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et le débat reprend tout de suite dans C'est vous qui le dites, toujours avec Benjamin Maréchal. Je remets mes feuilles dans l'ordre et voici la deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, le rendez-vous avec la question qui dérange. 6 mois après les attentats, les assureurs nous jurent qu'ils vont rembourser à 100% et les dommages matériels et les dommages moraux. La question qui dérange, c'est la suivante. Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont vraiment rembourser les traumatismes psychologiques? Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont rembourser les traumatismes de ceux qui étaient là, près de Zaventem, qui étaient proches de Zaventem, proches de Malbec, et qui ne font pas partie de la liste officielle des 350 blessés? Vous êtes peut-être simplement une des victimes morales, psychologiques des attentats. Est-ce que vous pourrez aller près de votre assureur, demander un sou? On nous dit déjà qu'il n'y a pas de règle unique. Est-ce qu'on est sûr donc que tout le monde sera indemnisé pour le dommage moral? Donc pas les blessures, le dommage moral. Dans ce dossier, vous cherchez Mélanie Joris, le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, une piste. On va plonger dans le monde des assureurs. On ira voir du côté des AP Assurance, AG Insurance ou encore Etias. On pourra aussi aller voir du côté de la SBL, TRIP pour Terrorisme Reinsurance and Insurance Pool. C'est l'ASBL qui s'occupe de la prise en charge des conséquences des actes terroristes. Vous avez un éclairage dans ce dossier parce que vous connaissez bien le monde de l'assurance ou parce que vous vous estimez psychologiquement victime des attentats? Laissez un éclairage à Marion au standard. Et le problème pour Pauline de Saint-Nicolas, c'est que les blessures psychiques prennent beaucoup plus de temps à soigner que des blessures corporelles, des blessures physiques. Les blessures corporelles guérissent et disparaissent, tandis que les blessures psychiques, eh bien, elles restent ouvertes à jamais. Elle estime donc qu'il va être très difficile d'estimer le remboursement de ces blessures que les assurances vont pouvoir donner. Certaines personnes vont même peut-être avoir besoin de consulter des psychologues à vie. Alors, est-ce que toutes leurs consultations seront remboursées? C'est la question de Pauline de Saint-Nicolas. C'est la question qui dérange. 6 mois après les attentats, les assureurs jurent qu'ils vont rembourser à 100% les dommages matériels et moraux. Mais est-ce qu'on est sûr qu'ils vont rembourser le traumatisme psychologique de ceux qui ne font pas partie de la liste officielle des 350 blessés? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. 2 policiers belges ont été arrêtés en France parce qu'ils déposaient à la frontière côté français des migrants arrêtés le matin même à Ypres en Belgique. Est-ce que c'est la bonne méthode? Ensuite, contrairement à ce que voulait l'AFSCA, la Tartorie de Verviers peut rester 12 heures à l'air libre à 20 degrés. Le ministre Willy Borchu a-t-il humilié l'AFSCA en lançant des analyses et en créant une cellule petit producteur dans l'agence? Et puis un député wallon veut mettre en place une attestation qui prouve que l'élève du professionnel ou du technique a un bon comportement. Est-ce que les employeurs ont besoin de ça? 3 débats, Marion, au 0 70 233 466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur cette idée d'un député wallon. Il veut mettre en place une attestation qui prouve que l'élève du professionnel ou du technique a un bon comportement. Est-ce que les employeurs ont besoin de cette attestation? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Soyons clairs, est-ce qu'il y a un problème de comportement avec ceux et celles qui étudient dans le professionnel et dans le technique? Puisque cette attestation prouvera notamment que l'élève arrive à l'heure ou encore qu'il est ordonné avec son matériel. L'idée vient du député wallon et maire Laurent Anquet. L'homme connaît bien l'école, il est ancien directeur d'établissement scolaire et il s'inspire de la Flandre où existe déjà ce qu'on appelle une soda atteste qui valide la ponctualité, l'ordre, la discipline et l'aptitude. Et bien le député wallon a un peu retravaillé la formule et l'appellation et il veut créer, chez nous côté francophone, l'ADOP,

A pour attitude, D pour discipline, O pour ordre, P pour ponctualité. Vous aurez noté que dans cette attestation, on ne parle pas des compétences techniques. Non, on est dans ce qui est à côté de l'ordre du comportement, de la bonne attitude à avoir, que certains donc n'auraient pas. Et ce document, dit-on, serait très utile pour les patrons au moment d'engager quelqu'un ou au moment de prendre des stagiaires dans l'entreprise. Voilà pourquoi la question est la suivante. Est-ce que les employeurs ont besoin de ça? 070-233-466 par SMS au 3063. Namur nous appelle. Jonathan, bonjour. Oui, bonjour. Puisque vous sortez de l'enseignement professionnel, vous étiez dans quelle filière? Moi, j'étais en formation conduite poids lourd et autocar. Est-ce qu'il y avait, parmi vos petits camarades ou chez vous, des problèmes de comportement, des pas très respectueux, des gens qui avaient l'air de prendre ça avec beaucoup de recul? Est-ce qu'il y a des problèmes de comportement? Oui, il y en a eu beaucoup. Genre? J'en ai fait partie aussi. Genre? Ne pas pouvoir être à l'heure, ne pas respecter le matériel qu'on a, ne pas respecter les gens en général, que ce soit ses collègues ou les supérieurs. Et maintenant, je me rends compte qu'en travaillant dans ce secteur-là, ben, la plupart des gens sont encore comme ça. Juste un mot sur pendant vos études. Quand vous me dites qu'il y en a qui ne respectaient pas le matériel, c'est-à-dire? C'est-à-dire laisser les véhicules ou la classe dans un état pitoyable en matière de propreté. Ne pas respecter les profs, même aller jusqu'à les insulter en classe. Et qui faisait ça? Vous faisiez ça, vous? J'ai toujours respecté les profs. Maintenant, laisser des classes dans des états pitoyables, j'étais un ado, quoi. Mais j'étais un sale gosse. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui le restent, même en grandissant. Puisque maintenant, vous voyez ce qu'est la vraie vie. Vous avez un emploi. Est-ce que les patrons ont besoin de l'ADOP, attitude, discipline, ordre, ponctualité? Est-ce qu'un patron a besoin de ça? Oui. Oui? Oui, je trouve, oui. En fait, quand j'ai arrêté l'école, je me suis mis comme indépendant. Donc, je me suis vraiment rendu compte du problème quand on engage des gens. Et là, je me rends compte qu'un patron en a besoin. Mais on ne peut pas sentir ça au feeling. J'ai entendu ça dans la première heure. L'entretien d'embauche ou la période d'essai, elle sert à ça. Voir si le gars arrive à l'heure, oui. Voir s'il laisse le camion dégueulasse ou pas. Ça sert à ça. Quelqu'un qui a envie de travailler, même s'il est comme ça, pendant sa période d'essai, il va travailler très correctement, hein. Ou pendant son entretien, il va venir, il va être très bien, il va être très poli, il va faire tout ce qu'il faut. Maintenant, une fois qu'il aura son contrat, c'est une autre histoire. Qui peut évaluer alors pendant les années scolaires? On dit que c'est le conseil de classe qui va évaluer tout au long de l'année le comportement du petit Jonathan et de ses collègues de classe. C'est une bonne formule? Moi, je pense que si pendant toutes les supérieures ou quoi, tous les ans, il y a une attestation comme quoi la personne est bien, s'il est bien pendant 3, 4, 5 ans d'affilée, je ne vois pas pourquoi ça changerait... Quand il travaille maintenant, si c'est quelqu'un qui est bien la dernière année ou les 6 derniers mois parce qu'il sait qu'il va faire quelque chose, c'est pas tout à fait le même, quoi. Et on est sûr que ce ne sera pas à la tête du client. On est sûr que les profs vont coter ça valablement. Ah ben ça, il faut former les profs. Ah, il faut les former à analyser le comportement. Oui. Pourquoi, vous avez un doute? Ben, il faut analyser. Il sait voir si quelqu'un arrive le matin à l'heure, s'il respecte son matériel, s'il respecte les livres qu'on lui donne et s'il respecte le local dans lequel il est. Il n'y a pas besoin d'une formation pour savoir faire ça, quoi. Je peux vous soumettre une phrase. Tout à l'heure, Léa Fontaine-Lévesque, qui était passée par la construction dans l'enseignement technique, a dit « on nous fait vraiment passer pour des cons avec ce truc ». Là, je dis qu'il n'y a pas que les professionnels et les techniques qu'il faut contrôler. Je pense que dans les générales, il y a autant d'incapables que dans les autres secteurs. Ah non, on ne parle pas de la capacité, hein. C'est bien sur le comportement ce matin, pas sur la capacité technique à être un bon coiffeur, une bonne esthéticienne, un bon maçon, un bon chauffeur poids lourd. Non, c'est vraiment sur le comportement. Jonathan, vous avez dit oui, le patron a besoin de ça. Allons à Aiguezet. Valérie, bonjour. Oui, bonjour. Oui, quelles sont les études de votre fils d'abord, qu'on vous situe dans ce débat? En professionnel soudure. Il avait des problèmes de comportement, votre fils? Non, il était poli avec ses professeurs et tout ça, mais c'est comme tout ado, les ados font des erreurs, donc il ratait souvent son bus, il arrivait en retard, il n'aimait pas l'école, il lui arrivait de brosser. Bon, maintenant, il n'a jamais détruit de matériel. Mais donc, il ratait le bus exprès. Comment vous expliquez qu'il rate le bus? Ben parce que parfois, enfin, moi, c'était mon cas, il y a des gens à l'école qui ne se plaisent pas et qui ont hâte d'entrer dans le monde du travail pour gagner de l'argent, pour... commencer la vraie vie. Et là, maintenant, il a un boulot depuis 3 ans. Il n'est jamais en retard. La seule fois où ça lui est arrivé, il a fait une heure supplémentaire après. Mais donc, voilà le topo. Si ce certificat, si cette attestation avait existé, on aurait écrit dessus, ce jeune homme-là, il n'est jamais à l'heure et il fait exprès de rater le bus. Est-ce que les patrons ont besoin de ça? Voilà, justement, non, parce qu'après, le comportement change. Une fois que des élèves qui n'aiment pas l'école entrent dans le monde du travail, il arrive souvent que le comportement change du tout au tout. Parce que là, ils ont leur appartement, ils deviennent responsables, ils savent qu'ils ont besoin de ce travail, ils sont reconnaissants vis-à-vis du patron de les avoir pris. Oui, mais donc c'est le petit hasard de la vie. Votre fils, il a changé du tout au tout, mais pour ceux qui ne changent pas du tout au tout, ce ne serait pas utile qu'un patron sache qu'il est en train d'engager un genre foutre, un traîne les pieds, un salisseur de cabine que... Ah oui, non, il n'a jamais sali, mais c'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas l'école font des erreurs. Les ados, tous les ados pour entrer dans le monde adulte font des erreurs. Mais une fois qu'ils sont adultes, ils peuvent changer de tout au tout. Tous. Donc ça serait... Tous. Ça, je ne peux pas vous garantir. Ah ben alors, on met en place l'attestation ou pas, si vous n'êtes pas sûr de tous? C'est-à-dire qu'il y a des CDD, des CDI, ils ont des CDD pendant je ne sais combien de temps, donc le patron sait déjà voir, là, évaluer si... Ah non, il triche. Jonathan a dit, attention, les périodes d'essai, genre les CDD, là, tout le monde fait bien son travail. C'est après qu'on voit que le gars, il salit les camions. Ah oui, mais non, pas tous, justement. Pas tous. Tous ou pas tous? Pas tous. Pas tous. Il ne faudrait pas discriminer ceux qui n'aiment vraiment pas l'école et ceux qui rêvent de travailler et qui se sentent bien, quoi. Bon, votre fils a changé de comportement du tout au tout. Mais si la DOP, attitude, discipline, ordre et ponctualité avait existé, il y aurait eu le cachet jamais à l'heure. Allons à Zaventem. Gérard, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes un patron? Oui. Vous cherchez des étudiants qui viennent de quelle filière technique et professionnelle? Je cherche surtout des gens qui ont envie de travailler, qui viennent de n'importe quel secteur ou de n'importe quelle filière. Mais vous êtes dans quel secteur? Moi, j'ai une société de logistique, transport logistique. Logistique. Bon, est-ce que vous, patron, vous êtes demandeur d'un certificat où, dessus, on vous dit si le gars a une bonne attitude, s'il respecte la discipline, s'il respecte les ordres et s'il est ponctuel? Est-ce que vous avez besoin de ça? Non, je trouve ça du grand n'importe quoi. Mais pourquoi? Les Flamands le font. Parce que je veux dire que les gens qui vont dans les études, que ce soit du spécial ou pas du spécial, je dis ils vont dans les études parce qu'on leur oblige quelque part à faire des études. Mais de l'autre côté, je me dis s'ils se retrouvent ici dans un cadre de travail qui est bien, ben je pense que tout ce qu'on a pu dire sur eux avant peut tomber complètement à l'eau, c'est tout. Et qui est capable de juger, de voir si le monsieur il est à l'heure ou pas à l'heure? C'est du grand n'importe quoi. Ah ben ça c'est facile à voir. Si le cours de carrosserie démarre à 8h30 et qu'il arrive à 9h20, on peut acter qu'il est en retard là. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Donc sur la ponctualité, vous gardez? Pardon, je n'ai pas entendu. Vous gardez la ponctualité sur l'attestation ou même ça, vous n'en voulez pas? Non, je dis que c'est n'importe quoi. C'est pas utile. Pour moi, c'est quelque chose qui ne sert complètement à rien. C'est la personne ici qui va plutôt s'ouvrir et se dire, tiens, ben voilà, j'ai un bon emploi, je suis bien payé, ben de l'autre côté, j'ai envie de travailler. Et là, automatiquement, il sera ponctuel parce que c'est quelque part une obligation de travailler. Mais disons que c'est différent dans le fait de dire que là, il y a des revenus, ça lui permet de pouvoir évoluer dans la vie, tandis que l'école, ben, c'est une obligation quelque part légale. Et je veux dire, on s'en fout, mais c'est pas parce que quelqu'un est tous les jours à l'heure à l'école qui va être plus tard à l'heure dans l'entreprise. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Qu'est-ce qu'on doit penser d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui, quand c'est payé, respecte la machine et qui, quand c'est pas payé, se fout de la machine et la dégrade? Qu'est-ce qu'on doit penser de cet individu? C'est un peu la génération actuelle. Je dis toujours, quand vous avez une camionnette qui est en location, vous ferez moins attention si c'est vous. Si vous recevez une camionnette de quelqu'un, vous ferez moins attention que si c'est vous qui payez réellement la camionnette. Ça, c'est le jeu foutisme actuel de tout. Gérard, on se résume pour savoir ce que vous gardez dans l'idée de ce député wallon et maire Laurent Anquet. J'ai l'attestation. Est-ce que je mets dessus une note sur l'attitude, oui ou non? Pour moi, non. Non. Est-ce que je mets une note sur la discipline? Non. Non. Est-ce que je mets une note sur l'ordre? Non, je mets une note sur rien. C'est comme si demain je vais prendre un commercial, alors j'ai besoin d'une attestation pour voir quand il va avec un client manger au restaurant, s'il se tient correctement à table, s'il utilise bien son couteau, sa fourchette, s'il met bien sa serviette, s'il ne met pas les coudes à table. Alors on peut tester tout, mais je crois que... Et ça, vous voulez? Non, parce que ce n'est pas le rôle de l'enseignement. Il y a autre chose à faire dans l'enseignement qui est pour moi beaucoup plus utile que d'aller faire des rapports qui ne servent à rien. Ah, pourtant, ce serait évalué tout au long de l'année par le conseil de classe, qui est le premier bien placé pour analyser le comportement de l'adolescent. Vous êtes un patron et vous avez dit non. Dans un instant, à Gorin-Ramecroix, Michel viendra nous parler de sa fille qui est en professionnelle, formation de péricultrice. Est-ce qu'elle arrive à l'heure, sa fille? On verra. Week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. À avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le TikTok, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. La 2 en télé. Joël Scorine s'entoure d'une nouvelle équipe de chroniqueurs pour recevoir la star de la rentrée, Virginie Efira. Cette jeune maman semble réussir tout ce qu'elle entreprend. Soyez au rendez-vous pour découvrir cette bonne vivante sans chichi. Ce jeudi soir, Virginie Efira est en direct sur la 2. Bonjour, c'est Philippe Jauniaux. Ce samedi 24 septembre, c'est la journée du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vivacité s'y associe. Nous serons en direct d'Andenne entre 14 et 16 heures pour une émission spéciale consacrée au trophée commune sportive. Avec David Bertrand, nous recevrons également nos sportifs de haut niveau. La fête du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est ce samedi à partir de 14 heures sur Vivacité. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de... Vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. À la maison, profitez plus et payez moins grâce à l'Internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39€ par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Vous désirez acheter ou rénover une maison? La Wallonie soutient votre projet. Access Pack, Eco Pack, Rénopack. Avec le Fonds du logement de Wallonie et la Société Wallonne du Crédit Social. Des formules de crédit sur mesure. Infos et conditions 078 158 008 ou sur flw.be et swcs.be. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Et au 070-233-466, la parole donc au patron, Marion. On vient de parler à Gérard de Zaventem, le patron de la logistique, qui a dit non, je veux pas de ça. Est-ce que tous les patrons disent non? Alors, la voix des patrons se fait entendre au standard, mais ils ne sont pas tous du même avis que Gérard de Zaventem. Hein. Plusieurs d'entre eux sont favorables à cette attestation. C'est le cas, par exemple, de Alan de Lavoir. Lui, il est patron en électricité. Et pour le moment, Alan reconnaît qu'il n'engage que des jeunes qui ont déjà quelques années d'expérience derrière eux. Comme ça, il est sûr que ces jeunes ont eu le temps d'apprendre à arriver à l'heure. Par exemple, Geoffrey de Bouffiou, lui, il est patron en menuiserie. Cette attestation, elle est utile car les étudiants sont très jeunes quand ils sortent des études. Explique Geoffrey, ils ne sont parfois pas assez mûrs pour se retrouver sur le marché de l'emploi, parfois c'est trop tôt pour eux, et donc cette attestation permettra, selon Geoffrey, de pouvoir évaluer la maturité des étudiants. René de Noirchin, lui, il est patron en chauffagerie, et il trouve que cette attestation est utile car elle pourra prouver que le jeune est capable de se soumettre à l'autorité d'un patron. Si les élèves respectent leur professeur, ils respecteront leur patron, ça c'est la logique de René, et pour lui c'est très important, le respect. Gorin Ramecroix est en ligne. Michel, bonjour. Bonjour. Votre fille est dans l'enseignement professionnel, formation de péricultrice. Est-ce qu'elle a un petit problème de comportement? Oui, tout à fait. Oui, quoi? Ça se passe très très mal avec son directeur. Elle ne supporte pas l'injustice, donc elle se rebelle. Donc cette attestation pour elle sera complètement inutile. Elle se rebelle comment? Donnez-nous le contexte. Elle se rebelle comment et à cause de quoi? Elle a eu une sanction qui n'était absolument pas justifiée et elle s'est rebellée. Et évidemment, le directeur a tenu à mettre cette sanction sans même nous en avertir. Et c'est un conflit permanent entre lui et ma fille et l'éducatrice. Donc, et ça veut dire quoi, elle s'est rebellée? Elle s'est rebellée quoi? Elle a eu des mots? Elle a bousculé des gens? Elle a cassé? Non, du tout. Non, elle était juste pas d'accord parce qu'il y avait qu'elle qui était sanctionnée alors qu'elles étaient plusieurs. Et c'est pour ça qu'elle criait son injustice. Mais le directeur l'a décidé autrement. Et voilà, donc son comportement là pour elle en ce moment à l'école n'est pas au top. Mais donc, est-ce que ce serait pas utile pour un patron de savoir qu'il est sur le point d'engager une jeune fille qui se rebelle, qui, quand elle n'aime pas la décision du patron, a un commentaire? Est-ce que ça ne valide pas l'idée de cette attestation? Non, du tout, absolument pas, parce que ça peut très mal se passer au milieu de l'enseignement, mais ça peut très très bien se passer dans le milieu du travail. Et ça, c'est beaucoup, ça arrive énormément. Oui, mais on ne sait pas, c'est au petit bonheur la chance, ça. Qui nous dit que votre fille changera d'attitude en entreprise? Ben, en fait, c'est le respect. Il faut le respect de l'enfant vis-à-vis de l'entrepreneur et l'entrepreneur vis-à-vis de l'enfant. Tant qu'il y a le respect, moi, j'estime qu'il n'y a aucun souci. Hein. Michel, dans la formule... Évidemment, si l'enfant se fait pas respecter, c'est normal qu'elle se rebelle. Et on est adulte, on est comme ça aussi. Hein. Mais dans la formule, on va analyser votre fille sur un temps long. Donc, c'est sur l'ensemble de l'année que le conseil de classe pourra valider son attitude, sa discipline lors de la ponctualité. C'est pas sur un moment de bagarre la semaine dernière. C'est sur un temps long. Non. Ça, je n'y crois absolument pas. Si l'enfant est dans, comment on dit, est en pique avec un enseignant ou une éducatrice ou un directeur, ça va être une vengeance. Moi, j'appelle ça une vengeance. Ils vont retourner en arrière. Oui, mais il s'est passé ceci, donc on va bien l'indiquer sur cette attestation. Mais on peut pas se venger, par exemple, sur la ponctualité. Si elle n'arrive pas à l'heure, elle n'arrive pas à l'heure. Il n'y a pas de vengeance. Là, on ne s'est pas inventé que quelqu'un est en retard. Voilà, tout à fait. Mais moi, je parle au niveau du comportement. Sur le respect des machines et du matériel. On ne peut pas inventer que quelqu'un casse les machines et ne respecte pas. Ça, ce sont des faits. Oui, tout à fait. Mais ça ne sert à rien parce qu'on peut très bien ne pas respecter son stylo et respecter la machine d'un entrepreneur. Donc quand c'est payé, on respecte. Quand c'est pas payé, on ne respecte pas. Non, mais c'est parce que c'est des ados. Ils sont jeunes, ils ont un petit peu... Il y a les parents derrière, ils veulent un petit peu vivre avant de rentrer dans le monde du travail. Mais une fois qu'ils y sont, en général, ça se passe très très bien. Vous êtes à Gorin-Ramecroix et vous craignez la vengeance du conseil de classe. Allons à Beaumont. Thomas, bonjour. Oui, bonjour. Deux questions pour savoir à qui on parle. Êtes-vous patron, oui non? Oui. Et vous cherchez des étudiants qui viennent de quelle filière technique? Alors, moi, je travaille dans l'événementiel. Et donc, vous cherchez des gens issus de qualifications? Par exemple, j'ai engagé une secrétaire qui sortait de l'école, par exemple. Bon, alors, une jeune fille qui vient et qui, à l'école, s'est rebellée, elle n'était pas d'accord avec les décisions, elle a rué un petit peu de tous les côtés, elle est, du coup, le lendemain, pas arrivée à l'heure, et tout ça est noté sur l'attestation. Vous êtes demandeur de ça ou pas? Alors, moi, j'attache de l'importance au rapport de stage, parce que, comme l'auditrice avant disait, à l'école et sur le travail, ce n'est pas du tout la même chose, pour moi, pour un jeune. Et donc, en tant qu'employeur, moi, je demande toujours les rapports de stage. Parce que là, on voit vraiment l'envie de l'étudiant pour son avenir professionnel. Oui, mais alors imaginons quelqu'un qui veut se présenter chez vous, qui veut faire un stage. Vous n'avez pas de point de repère. Donc avant de prendre le stagiaire, est-ce que vous voulez l'ADOP, attitude, discipline, ordre, ponctualité? Non. Non, pour le stage, non. Parce qu'encore une fois, moi je pense qu'on n'est pas le même au travail. Qu'à l'école, parce que moi j'ai fait des études en technique avant de lancer mes sociétés, j'étais pas forcément l'enfant modèle, mais voilà, maintenant j'ai deux sociétés et je travaille 13 heures par jour, 14-15 heures par jour, et voilà, parce que j'aime ce que je fais à l'école, c'était l'école, donc pour moi maintenant j'applique ça quand je prends des jeunes en stage, j'en prends 3-4 par an, je demande pas ça, moi je veux juste que le travail, le stage soit fait de façon professionnelle, et si c'est fait, je remets un rapport de stage à la fin de la période de stage, positif ou négatif. Et donc il y a quelque chose d'incroyable là-dedans. Voilà un conseil de classe, donc des gens, des professeurs différents, qui analysent un individu pendant un an, et un an de comportement, ça n'apprend rien de fiable sur un individu. Je n'ai pas jusque-là. Un an de comportement. Moi, je pense que, justement, dans les stages servent vraiment à voir les gens les étudiants sur le lieu de travail. Et donc, mais un stage, c'est combien de temps? C'est combien de temps? Ça dépend. Des fois, c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça dépend des... Mais ici, on vous propose une analyse d'un an. Ne me dites pas qu'on en apprend plus en 2 semaines qu'en un an. Oui, mais quelqu'un qui fait, je sais pas, secrétariat, peut-être que les mathématiques, ça l'intéresse moins que le secrétariat. Vous comprenez ce que je veux dire? Simplement, pour moi, à la fin de l'année, tout doit être mélangé. Et le rapport avec le rapport de stage doit être vraiment compris dans l'analyse finale du comportement de l'étudiant. Alors je demande au patron et à ceux et celles qui ont déjà fait des stages, qui sont en entreprise, passés par le professionnel et par le technique, je leur demande si un rapport de stage de 2 semaines à 1 mois vaut plus qu'1 an d'analyse comportementale. 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Dans les appelants de ce matin, Marion, combien estime que cette proposition du député wallon Laurent Anquet est un simple coup de pub?

dossier auprès de leur assureur. La procédure sera la même que si on n'avait pas été face à un cas de terrorisme. La victime devra prouver les dégâts moraux via des rapports de médecins, psychologues ou encore psychiatres. Le montant des indemnisations a déjà été évalué par Assuralia. On tourne autour des 168 millions d'euros. Vous avez dans ce dossier un éclairage, laissez-le à Marion Standard. Et le problème pour Christine Deterbeek, c'est que tous les blessés psychiques n'oseront pas spécialement demander ce dédommagement moraux. Christine est dans ce cas. Ce jour-là, Christine a pris le métro juste avant celui qui a explosé. Alors qu'elle a entendu ce qui est arrivé, Christine a compris qu'à quelques minutes près, c'était elle qui aurait pu mourir ce jour-là. Elle a été en état de choc pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, elle n'ose toujours pas reprendre le métro après 6 mois. Elle se considère donc parmi les blessés psychologiques, mais jamais elle n'oserait réclamer un seul centime. Elle aurait l'impression de se faire de l'argent sur le dos des vraies victimes. Ouais, autre exemple, de qui parle-t-on ce matin? Vous aviez ce jour-là un proche dans l'aéroport et vous avez donc vécu un traumatisme. Est-ce que vous pourrez aller chez l'assureur? C'est la question qui dérange de ce matin. Est-ce qu'on est sûr que les assureurs vont vraiment rembourser le traumatisme psychologique de ceux et celles qui ne font pas partie de la liste des 350 blessés? La liste officielle, rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur ce député wallon qui veut mettre en place une attestation qui prouve que l'élève du professionnel ou du technique a un bon comportement. Est-ce que les employeurs ont besoin de ça? 070-233-466, SMS au 3063 et Gerpine. Karl, bonjour. Bonjour. Vous êtes patron en boulangerie. Patron, oui. Vous avez besoin de ça? Non, je ne pense pas. Ça peut, c'est une première chose juste après l'école, mais après l'école... Allez, c'est jamais qu'un jugement d'un prof, quoi. Mais quand étudiant qui a fait boulangerie vient se présenter à vous, vous savez rien de son comportement. Vous savez qu'il a un diplôme, qu'il a réussi, qu'il a la compétence, il peut faire un pain. Ouais. Mais vous savez rien de son comportement. Non, mais de toute façon, je sais même pas s'il saura faire un pain, honnêtement. Ah, donc la compétence est déjà limite. Mais vous n'aimeriez pas qu'on vous rencarde un peu sur l'attitude? Ça vous intéresse pas d'avoir un ouvrier qui est ponctuel? Non, je préférais la période d'essai, parce que les gens qui ont parlé avant moi disent qu'il y a des périodes d'essai, mais il y a un an qu'il n'y a plus de période d'essai quand on engage quelqu'un. Oh, mais de toute façon, on nous a dit que les périodes d'essai, tout le monde se montre sous son plus beau jour, et ce n'est pas encore la réalité. Oui, bien sûr, mais enfin, à l'école, c'est complètement différent dans la vie du boulot. Donc, donnez-moi un avis. Un étudiant qui est en section boulangerie à l'école, qui n'arrive jamais à l'heure... et qui nettoie pas son plan de travail. Enfin, il le fait, mais bon, à moitié. Vous voulez un gars comme ça? Bah oui, peut-être qu'à l'atelier, ça va aller. Il va tomber sur le bon collègue qui va le remettre en route. Et puis, de toute façon, bon, quand il y aura 2 ans qu'il travaillera, il sera peut-être justement tombé sur un bon collègue et qu'il l'aura bien mis en route. Et donc, l'attestation, elle sera plus valable, quoi. Il aura complètement changé. Mais alors, quel est l'intérêt d'analyser pendant 1 an le comportement d'un individu si ça n'amène aucun résultat valable? Quel est l'intérêt d'analyser le comportement d'un individu? Justement, je pense pas que ce soit fort utile. Est-ce que vous jetez le A d'attitude? Vous voulez quand même sur le document un mot sur l'attitude, ne fût-ce que 2 phrases. Vous voulez ou vous voulez pas? Veut pas. J'y crois pas. Vous voulez un mot sur la discipline dans cette attestation, ou discipline vous voulez pas? Non, pas spécialement. Ok, vous voulez pas. Un mot sur l'ordre. L'ordre. Vous voulez un mot sur l'ordre ou vous voulez pas? Non, enfin. Ah. Là, il y a réflexion. Et le dernier élément, ponctualité. Vous voulez un mot sur la ponctualité ou vous voulez pas? C'est peut-être un plus aussi, ouais. Donc ça, vous voulez 1 sur 4. Ben oui. La dernière fois que vous avez engagé un jeune sorti de l'école, Karl, c'était quand? Là, j'ai un apprenti, par exemple. Et au feeling, vous aviez senti son comportement? Oui, on l'a fait venir, il est venu se présenter, puis on a essayé. En fait, là, comme apprenti, ils peuvent venir 2-3 jours comme ça et voir. Donc, après... 2-3 jours, ça suffit. Dans ce cas, je le note. Apprenti, 2-3 jours, ça suffit. Et vous êtes patron boulanger à Gerpine. 10h40. On appelle les experts. Voici le député Wallon MR qui propose donc la création de cette ADOP, attitude, discipline, ordre, ponctualité, cette attestation. Député Wallon MR, Laurent Anquet en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Particularité, vous êtes un ancien directeur d'école en congé de l'Institut Saint-Louis de Namur, où on ne trouve que du général. Vous avez un a priori négatif sur les élèves du professionnel et du technique ? Je n'ai pas compris la question. Vous avez un a priori négatif sur les élèves issus du professionnel et du technique ? C'est un des premiers éléments que je voulais modifier dans ce que j'ai entendu au niveau des auditeurs, c'est qu'évidemment pour moi, l'intelligence, elle est plurielle. Et donc elle est technique, elle est sociale, elle est sportive, elle est théorique. Mais votre attestation, elle ne s'applique pas au général ? Vous ne la voulez que pour le technique et le professionnel ? Voilà, parce que simplement les quatre codes comportementaux qu'on a définis, donc le A c'est l'attitude, c'est bien la motivation qu'on perçoit au travail. Le D, c'est la discipline, c'est-à-dire le respect des règlements et des consignes, et surtout des consignes de sécurité. C'est pour ça qu'on a commencé par le qualifiant, parce que nous avons souvent des enfants qui sont autour de machines qui sont extrêmement dangereuses, et donc le respect des consignes, c'est beaucoup plus important que dans l'enseignement général. Idem pour l'ordre, l'ordre, c'est la gestion et le respect du matériel. Quand on a parfois des machines qui coûtent 500 000 euros, il est évident qu'il faut apprendre aux enfants, aux élèves, aux apprentis, à pouvoir le respecter, et la ponctualité, là, tout le monde en a parlé. Mais alors, ça veut dire que ces quatre codes comportementaux, vous voulez les valider, mais pas tellement pour le marché de l'emploi, vous voulez les valider pour l'intérieur des écoles. Vous voulez que les élèves respectent le matériel de leur école. C'est ça l'enjeu. Oui, mais je pense que ce sont des codes comportementaux qui sont valables dans tous les secteurs de la vie sociale. Vous, par exemple, essayez de présenter votre émission sans être enthousiaste et motivé comme vous l'êtes. Vous risquez d'être remercié dans 15 jours. Si vous arrivez à 9h10 pour commencer votre émission à 9h, vous risquez d'être remercié. Donc je pense que c'est valable dans tous les secteurs de la vie professionnelle. Mais alors pas pour le général. Dans l'enseignement, tout à fait dans l'enseignement également. Mais il est vrai qu'on a voulu commencer petitement, donc par l'enseignement qualifiant, simplement parce que, comme je viens de vous le dire, les enfants sont autour de machines qui sont dangereuses, donc le respect des consignes de sécurité, c'est important, et c'est important également, évidemment, de respecter le matériel. Que nous dit le terrain ? Que nous dit le terrain que vous connaissez ? Que nous dit le terrain que vous connaissez en tant que professionnel ? Le terrain nous dit qu'un élève avec un comportement X à l'école a rarement le même comportement dans le milieu professionnel. Moi, j'ai rencontré les patrons de l'Union Wallonne des entreprises, l'Union de classe moyenne, Bessif et Dergon, qui sont les grandes entreprises patronales. Tout de suite, eux m'ont dit, sinon j'aurais arrêté, ils m'ont dit, écoutez, c'est génial, parce qu'en fait, aujourd'hui, un patron, à la limite, accorde plus d'importance à la possession de ses codes comportementaux qu'à la possession de compétences disciplinaires. Parce qu'ils disent, ils ont une formation en école, on va compléter cette formation de par la spécificité de l'entreprise. Par contre, les codes comportementaux, donc les quatre dont on vient de parler, ça, il faut l'avoir à sortir de l'école parce que c'est fondamental. Et je vous dis, on les retrouve dans tous les domaines, dans toutes les filières d'enseignement, mais il fallait bien commencer par quelque part. Donc il n'y a absolument pas de ma part une volonté de dénigrer quoi que ce soit. Il y a un problème de validation, d'après certains. C'est donc le conseil de classe qui, tout au long de l'année, va évaluer. Mais le conseil de classe, les profs, ils sont à la fois juges et partis. C'est-à-dire que moi, dans le projet, j'ai dit en Flandre, ils le font 4 fois. En Wallonie, moi, j'ai dit qu'on le ferait 3 fois. C'est vrai que 3 des codes sont observables. Donc, on a précisé, on a défini des critères extrêmement précis. Ouais, comme vous l'avez dit tantôt, quelqu'un qui arrive à 8h30 alors qu'il faut être à 8h, ben forcément, on s'est constaté qu'il est en retard. Celui qui dégrade du matériel, on s'est constaté qu'il a dégradé. Donc si il y a 3 fois une remarque au journal de classe parce qu'il y a dégradation de matériel, parce qu'il y a non-observation des consignes de sécurité, parce qu'il y a manque de ponctualité, ben là c'est observable. 3 fois, ça veut dire qu'on n'a pas l'attestation. Enfin, on a l'attitude pas et la discipline, moins. L'attitude et la discipline, c'est la tête du client. Non, la discipline, c'est tout à fait observable. On s'est observé si un enfant respecte les consignes et les règlements. C'est d'ailleurs ce que font tous les profs en classe. Et donc, quand on dit que ça va être du surcroît, un surcroît de travail administratif pour les enseignants, pas du tout, parce que de toute façon, ça se fait déjà. Maintenant, ce qui est spécifique, si vous voulez, c'est qu'on pourrait délivrer une attestation qui, elle, évalue le comportement, alors que l'école aujourd'hui ne délivre une attestation qui évalue, si vous voulez, les capacités techniques. Donc, ce qui veut dire, Laurent Anquet, que l'Union Wallonne des entreprises est demandeuse. Nous avons eu en ligne quelques patrons ce matin qui n'étaient pas demandeurs. Vous êtes député Wallon MR et par ailleurs directeur en congé de l'Institut Saint-Louis de Namur, issu donc de l'enseignement général. Allons au 070-233-466. Maintenant, Marion, vous avez depuis quelques minutes de mauvais élèves du technique qui sont devenus de très bons employés. Oui, c'est bien ça. Manolo de Rosière reconnaît qu'il était un étudiant turbulent qui manquait de respect à ses professeurs quand il était jeune. Et depuis qu'il travaille comme garagiste, eh bien Manolo n'a jamais manqué de respect à son patron. patron. Son comportement d'employé n'a plus rien à voir avec son comportement d'étudiant. Ce serait injuste de le juger sur ses années d'errance, me dit Manolo. Colette Dovelet, sa fille était étudiante en aide-soignante et son titulaire a noté sur son bulletin à la fin de ses études, cette fille est incapable d'exercer cette profession. Depuis, la fille de Colette travaille depuis 15 ans comme aide-soignante. Tout le monde est content de son travail, donc Colette résume que cette attestation est tout simplement inutile. Et dans un instant, la question qui dérange. Est-ce qu'on est sûr que les assureurs vont indemniser tous ceux qui ont mal vécu, qui sont traumatisés par les attentats du 22 mars ? Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Ban. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le TikTok, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. En télé sur la Une. Je crois que nous devons envisager de vous retirer la direction de cette enquête. Est-ce que vous me connaissez ? Chaque tatouage est une clé. On m'a tatoué un couteau de boucher. Chaque clé conduit à un crime. Faites-la disparaître. Blindspot, 4 épisodes ce jeudi. Sur la Une. Vous sentez ? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. La semaine de la mobilité a lieu du 16 au 22 septembre avec pour thème « Partager la route, on s'y met tous ». Cette année, la Wallonie met le focus sur la combinaison de différents moyens de déplacement. À cette occasion, des familles mais aussi des communes, des écoles et des entreprises se lancent dans des défis mobilité. Pour suivre leurs expériences et découvrir l'actualité de la semaine de la mobilité, rendez-vous sur Vivacité. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés. Horaires en magasin. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. 6 mois après les attentats du 22 mars, les assureurs ont juré de rembourser à 100% les dommages matériels et moraux. Tous les dommages moraux de tout le monde. On appelle Assuralia dans une seconde. Dernier éclairage au standard, Marion. Et le problème pour Leïla de Soigny, eh bien, c'est celui-ci. Elle se demande comment les assureurs vont faire pour évaluer quelles personnes méritent des dommages moraux ou pas. Comment peut-on définir des critères pour évaluer la douleur des gens ? La Belgique entière a été sous le choc, a été marquée au fer rouge par cet attentat. Alors est-ce que les assureurs vont indemniser tous les Belges ? C'est la question de Leïla. Le porte-parole d'Assuralia, François de Clipeleu, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Il y a donc une liste avec 350 blessés dits officiels. Et puis il y a tous ces gens qui gravitaient autour des sites concernés par les attentats, qui étaient dans une autre station de métro par exemple, ou qui étaient à proximité du hall de l'aéroport. Est-ce que ces gens-là peuvent aussi venir à vous en disant « j'ai un traumatisme psychologique » ou ils sont hors indemnisation ? Alors, tout dépend de la notion de lieu accessible au public. Donc dans la série d'assurances qui sont obligatoirement concernées par la couverture contre le terrorisme, vous avez notamment l'assurance de responsabilité civile en cas d'incendie et d'explosion dans les lieux publics. Donc, lieux publics, dans ce cas-ci, métro ou aéroport, ceux qui étaient directement sur les lieux et qui étaient donc directement impliqués dans les attentats, peuvent évidemment faire valoir leur droit à une indemnisation intégrale de leur préjudice. Attendez, alors je fais exemple par exemple, ce sera plus facile. Quelqu'un qui était dans une autre station de métro, qui n'était pas à Malbec, mais qui était sur la même ligne, dans une autre station de métro, et qui a mal vécu les choses. Est-ce que lui peut venir à vous, ou comme il n'était pas sur site, il ne peut pas ? Venir à nous, c'est-à-dire que quand on est victime, on s'adresse évidemment à l'assureur dans ce cas-ci qui couvrait ou qui couvre. Oui, vous me comprenez, hein, quand je dis à vous, c'est à vous le monde des assurances. Exploitant du lieu accessible au public, hein, donc chaque victime peut s'adresser directement à cet assureur et présenter les éléments qui tendent à prouver ou à démontrer qu'il a un préjudice physique ou moral. Mais donc pour le préjudice moral qui nous occupe ce matin, je suis obligé de venir à vous, l'assureur, avec un document médical. Je dois avoir consulté médecin, psychiatre, psychologue. Sans ça, mon dossier n'est pas valide. Mais ça, c'est le principe, c'est une règle de droit, c'est que chaque victime qui veut faire valoir ses droits doit prouver ou démontrer son dommage vis-à-vis de l'assureur qui couvre une responsabilité ou l'assureur qui intervient de manière indemnitaire. Exemple très concret à nouveau, un restaurateur qui serait lourdement tombé en dépression parce que le chiffre d'affaires à Bruxelles, on le sait, a baissé, beaucoup de commerçants sont impactés. Un restaurateur en dépression avec preuve médicale peut envisager de déposer un dossier. Ce n'est pas impossible. Je crois que ça, en tout cas dans le cadre de l'assurance qui couvre la responsabilité de l'exploitant d'un lieu accessible au public, il me semble qu'ici, on est déjà loin du lieu accessible au public visé par cette assurance. À ce moment-là, cet assureur devrait couvrir un lieu accessible au public qui s'étend pratiquement à l'ensemble du territoire. Mais donc c'est important, ça veut dire qu'il faut quand même une forme de proximité avec le lieu des attentats. Pourquoi tous les assureurs n'ont pas la même règle ou le même comportement en matière d'indemnisation psychologique? Pourquoi chaque assureur agit avec ses propres règles? Pourquoi vous n'avez pas harmonisé? Alors là, je ne comprends pas votre question. Les assureurs agissent en fonction des contrats qu'ils ont conclus. Ils agissent en fonction des conditions qui sont dans ce contrat et l'obligation de couvrir les conséquences d'un acte de terrorisme, cela se trouve dans tous ces contrats. Oui, mais l'appréciation du traumatisme psychologique, elle sera la même dans chaque assurance ou chaque assureur va apprécier le traumatisme psychologique de manière différente avec d'autres médecins à contrôle? L'appréciation de tout dommage et appartient évidemment à chaque assureur, mais chaque assureur prend cette décision sur la base de son expérience, et bien entendu il a en face de lui des victimes qui sont aidées par des conseils, qui sont éventuellement aidés par leur assureur protection juridique. Et s'il n'y a pas accord sur la base de rapports d'expertise, cela peut éventuellement être tranché par le tribunal. Rapidement, 20 secondes devant nous. Quel est le temps moyen d'analyse? Je remets mon dossier pour traumatisme psychologique. J'ai une réponse normalement dans quel délai? Oui, je crois que la plupart des victimes ont déjà, j'espère, introduit leur dossier d'indemnisation. Le fait nouveau, c'est que maintenant, ils sont aussi sûrs que le dommage moral fait partie de l'indemnisation. Vous êtes porte-parole d'Assuralia, François de Clipeleu. Merci d'avoir répondu à la question qui dérange de ce matin. Vous souhaitez vivre à Waterloo dans un appartement neuf, alliant confort moderne et proximité des commerces? Venez découvrir les jardins de Wellington et ses appartements immédiatement disponibles, situés au 650 chaussée de Bruxelles. Remise exceptionnelle lors de la journée portes ouvertes ce dimanche 25 septembre de 10 à 17h. Plus d'infos à l'agence immobilière Trier Waterloo. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rossin-Genèse.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rode-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Construction Perfection Habitat. Week-end portes ouvertes, c'est 24 et 25 septembre. Découvrez une nouvelle maison Perfection Habitat, rue Joseph Wauters, à Crisney. Construction Perfection Habitat. Une exclusivité, Étienne Piron.